On s'est aimé comme dans un rêve, mais hélas j'ai dû repartir, et nos amours ont été brèves. Chérie, je voudrais revenir, ton nom me hantera sans cesse, pendant les longues nuits d'été, ton nom doux comme une caresse. Profiche tropique dramique roulée, un jour je monterai peut-être, chercher le fruit de nos amours, cet enfant bâti comme un être, qui naquit au bout de 8 jours. En voyant son père amarcir, le chéri l'aimera beaucoup et prendra pour courir lui dire ses 13 jambes à ses 2 coups. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois des 3 grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça. Oui, ça tourne à tour de bras. La Java d'amour, Martial Java, que j'ai connu dans tes bras. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes 3 grands yeux. Monsieur Boris Vian. Boris Vian et Mehdi, merci à lui et puis à toi aussi, Mehdi. Alors effectivement, l'Europe s'est lancée dans un pari un peu fou, une aventure assez extraordinaire, une grande aventure de notre temps, rechercher les signes d'une vie extraterrestre. Et elle le fait là où on a le plus de chances d'en trouver, c'est évidemment sur la planète Mars qui est un peu la petite sœur de la Terre. Elle va le faire avec un véhicule roulant. Et c'est la première fois, je crois, que l'Europe va envoyer un rover comme ça sur un corps qui n'est pas la Terre. Elle va le faire aussi avec un orbiteur, donc une sorte de satellite qui tourne autour de la planète Mars et qui va être probablement capable de découvrir lui aussi des signes d'une vie présente. Et l'ensemble, avec un autre engin qui est l'atterrisseur Schiaparelli, eh bien, l'ensemble compose ce qu'on appelle la mission, le programme ExoMars. Il y aura plusieurs premières qui vont être réalisées. Et l'une de ces premières, ce sera de la réalisation d'un forage à 2 mètres de profondeur pour essayer de trouver des molécules qui seraient aussi le signe de la présence d'une vie passée ou future. Donc c'est assez extraordinaire, évidemment. Alors on peut se demander quels sont les contours de ces missions ambitieuses. Comment est-ce qu'il se fait que l'Europe, qu'on dit si frileuse, a été capable de se lancer dans une telle aventure? Quelles sont les raisons qu'on a d'espérer d'effectivement trouver des signes d'une vie sur Mars? On va en parler avec vous. Je vais venir vers vous. Je vais vous passer le micro. Je vais aller aussi au rez-de-chaussée. Je ne vous oublie pas, vous qui êtes au rez-de-chaussée, pour que vous puissiez poser vos questions directement à nos 3 intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Valérie Charletti, Michel Vizeau et François Forget. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes? On va commencer avec vous, Valérie Charletti. Bien, donc, je m'appelle Valérie Charletti. Je suis professeure des universités à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je fais ma recherche au LATMOS, qui est un laboratoire qui a 2 sites, un sur Jussieu et l'autre à Guyancourt, où je travaille en temps normal. Et je fais de l'électromagnétisme appliqué, c'est un gros mot, mais appliqué à quoi? Appliqué au sondage des sous-sols planétaires et des petits corps du système solaire. Donc globalement, je regarde ce qu'il y a sous la surface. Sous la surface. Et vous êtes aussi donc enseignant-chercheur, on l'a compris, oui. Et puis responsable. Ah oui, pardon. Oui. Bah oui, quand oui, même. Oui. Non, pardon. Responsable. Alors, scientifique d'un instrument important. Dans le cadre d'ExoMars, donc je suis responsable scientifique du radar qui sera embarqué sur le rover et qui a pour objectif de faire l'imagerie du sous-sol de Mars sur une profondeur de quelques mètres. Pour justement identifier les zones où il serait potentiellement intéressant d'aller prélever des échantillons parce qu'on pense que la vie a pu un jour peut-être apparaître à cet endroit et être préservée dans le sous-sol. On en parlera exactement, peut-être après. Exactement, exactement. Et Michel Vizeau. Donc, quand j'étais petit, j'étais vétérinaire et maintenant que je suis grand, je suis responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales, responsable du thème exobiologie, c'est-à-dire que je passe mon temps à essayer de faire travailler les autres. Et je suis. Est-ce qu'ils sont consentants? Oui, puisque j'ai la chance de manager des gens qui sont plus diplômés que moi, comme Valérie, qui sont dans des organismes qui ne dépendent pas de moi, comme François Forget et Valérie et bien d'autres. et qui ont la gentillesse de m'écouter et de temps en temps de suivre les recommandations que je leur donne. Donc voilà, donc ça se passe plutôt bien. Et je suis donc particulièrement responsable donc, de toutes les missions d'exobiologie et d'exoplanète, c'est-à-dire ExoMars, bien sûr, qui m'occupe beaucoup. La mission Mars 2020, donc, qui va une mission américaine avec une contribution française. Et puis les missions exoplanètes, Plateau, Kéops et compagnie. Donc voilà. Et donc pour le CNES, vous êtes responsable de ce programme ExoMars, qui est un programme de l'ESA. Voilà, je fais travailler à la fois les gens de Toulouse et les gens des laboratoires, de façon à ce que nous ayons un très bon programme et un très beau projet qui arrive à terme. Et puis François Forget. Bonjour à tous. Donc moi, je suis chercheur au CNRS, au LMD, à l'Institut Pierre-Simon Laplace à Jussieu, ici à Paris. Je m'intéresse particulièrement au climat, aux atmosphères des planètes au sens large, et particulièrement de Mars. Et dans le cadre de ExoMars, alors je fais plusieurs choses, j'ai plusieurs casquettes. Depuis le côté ingénieur sur les calculs de trajectoire et d'environnement pour les entrées de la mission 2016 et 2020. Et puis je suis aussi, j'étais responsable de certaines expériences sur l'atterrisseur. Je suis responsable scientifique de l'orbiteur, avec un titre qui s'appelle Interdisciplinary Scientist. La classe. Et sur 2020, je m'occupe aussi, je fais partie du groupe qui travaille sur le choix du site d'atterrissage pour le 2021. Voilà. Voilà, donc on a parlé de 2016 et de 2020. Il faut bien rappeler que ExoMars, c'est trois appareils. Il y a d'une part un orbiteur, donc un satellite, et un atterrisseur qui ont été envoyés sur Mars en 2016, qui sont arrivés sur Mars en 2016. Et puis en 2020, on doit avoir un rover, cette fois-ci, qui va être envoyé sur Mars. Donc voilà, donc quand on parle de 2020, c'est du rover hein, que vous voulez parler. Et on peut même compléter qu'il y aura un rover, mais il sera amené à la surface par un gros atterrisseur. Et une fois que le rover sera parti, cet atterrisseur, qui est essentiellement fourni par les Russes, sera équipé d'instruments scientifiques qui vont vivre leur vie et faire eux-mêmes une grosse enquête scientifique pendant des mois et des mois. Donc ce sera... finalement, il y a quatre engins dans toute cette mission, dans ce programme ExoMars. Michel Vizeau, on se souvient des véhicules américains qui étaient Spirit et Opportunity. Alors eux, ils avaient pour ambition de chercher des preuves de la présence d'eau dans le passé. Ensuite, on a eu Curiosity, qui est encore lui-même en train de rouler à la surface de la planète Mars. Et lui, son ambition, c'était de déterminer l'habitabilité de la planète. Donc, est-ce que la planète était éventuellement un jour habitable par de la vie? Et là, l'Europe va quand même un cran plus haut et d'une certaine manière brûle la politesse aux Américains en disant carrément, non, nous, on va directement chercher des traces de vie. C'est une ambition un peu folle, non? Alors, c'est une ambition importante et qui date de longtemps, puisque l'élément fondateur de la mission ExoMars a été écrit en 1999 par André Braque et Gerda Horneck. Donc c'est quelque chose qui date, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est pas le petit livre rouge, c'est le grand livre rouge, donc qui était organisé par l'ESA. Et c'était l'époque d'une ambition importante, parce que ben, Rosetta était en train de se terminer, et donc c'était le développement de Rosetta était en train de s'achever. Et donc les scientifiques européens sont ambitieux, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils participent depuis longtemps. Et puis on venait quand même aussi à la suite de tous des acquis des missions américaines. Non, pas non plus se voiler la face. On apprend énormément de choses. On collabore avec les gens. Et la logique, l'étape supplémentaire logique était effectivement d'aller mettre en place des instruments capables de détecter des traces chimiques d'une forme de vie. Pour simplifier, c'est quand même l'objectif ultime d'ExoMars, c'est d'être capable, par approche successive, de déterminer le meilleur endroit où on a le plus de chances de trouver les fifrelins de matière organique qui pourraient éventuellement signifier qu'il y a une forme de vie qui s'est développée ou qui existe encore en ce moment. La matière organique, c'est la matière qui compose la vie, hein. Alors non, la matière organique, c'est la matière qui est composée de carbone, d'hydrogène et de plein d'autres saletés. Enfin, d'autres composés, pour simplifier. Ça, c'est la matière organique. Cette matière organique, elle peut être soit d'origine interstellaire, elle s'en produit des tonnes et des tonnes dans le milieu interstellaire et dans le milieu interplanétaire. Elle peut avoir une origine purement chimique au fond des océans, par exemple. Et puis, elle peut être synthétisée, et du moins certaines molécules ne peuvent être synthétisées que par des processus biologiques. Et cette matière organique, elle devient biotique, c'est-à-dire elle vient d'origine vivante. C'est pour ça qu'elle nous intéresse quand même, c'est ça que je voulais dire. C'est parce elle nous intéresse parce que si elle a certaines caractéristiques, elle peut être le signe, la preuve, l'indice d'une forme de vie qui aurait pu exister ou qui existe encore. Alors il y a des choses qui sont, je dirais, univoques, des molécules relativement complexes, comme des stéranes, des opanes, ou des opanoïdes, enfin des choses un peu plus compliquées encore. Et puis il y a des choses... Univoque, ça veut dire quoi, là, en l'occurrence? Univoque, ça veut dire qui sont des preuves directes. C'est comme si je trouvais une clé de 12. Voilà. Si je trouve une clé de 12 sur Mars, c'est que, c'est forcément quelque chose qui est d'origine... Alors, par contre, c'est pas organique, hein, mais c'est vraiment quelque chose de qui est fait par la vie, c'est biotique. Oui. Voilà, donc il y a des molécules qui sont des sortes de clés de 12, et puis il y en a qui sont... plus évanescente, par exemple le méthane, CH4, une des molécules organiques les plus simples. Elle peut être produite par la vie ou ça peut être produit par bien des choses, de la vache, donc des bactéries, je dirais, jusqu'à des volcans ou d'autres choses ou d'autres processus encore géologiques. Alors peut-être qu'on peut faire un tour de ces différents engins qu'on a envoyés. 2016, c'était TGO, François Forget. TGO, donc c'est cet orbiteur, donc ce satellite qui tourne actuellement autour de la planète Mars. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce TGO, Trace Gas Orbiter? Alors donc ce satellite est arrivé au mois d'octobre dernier et depuis il fait un certain nombre de manœuvres pour changer son orbite de manière à avoir une orbite basse, un peu comme la Station Spatiale Internationale, ce qui est difficile quand on revient de l'extérieur. Et donc, il y a toutes sortes de manœuvres qui sont faites actuellement, même ces manœuvres sont faites en passant dans l'atmosphère, ça fait un frottement et ça permet d'abaisser l'orbite. L'objectif, c'est d'être à 400 km d'altitude en permanence, et ça, ce ne sera atteint que dans plusieurs mois, même début de l'année prochaine, 2018. Parce que quand l'orbiteur arrive sur Mars, il va à 21 000 km/h, je crois. Oui, exactement. Alors, il faut freiner. C'est ce qu'on a fait. On a allumé les moteurs pendant plusieurs heures, d'ailleurs. C'est toujours une séquence difficile. Il y a eu plusieurs échecs par le passé, notamment la NASA. Donc, heureusement, ça s'est bien passé. On reviendra. Il y a d'autres aspects qui sont moins bien passés. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, l'orbite commence au début par une orbite, on va dire, qui dure 4 jours. Vous voyez. Et on va devoir peu à peu se rapprocher de Mars, c'est-à-dire avoir des orbites avec des périodes de plus en plus courtes pour atteindre, ce que je disais, 400 km d'altitude, et c'est-à-dire 12 orbites par jour, quelque chose de beaucoup plus rapide, où on sera plus proche de la planète pour l'observer. Alors, qu'est-ce que va faire ce satellite? Comment est-ce qu'on fait pour se freiner quand même? Vous l'avez dit d'un mot. Alors, l'astuce, il y a deux méthodes, en gros. On apporte beaucoup de carburant, on allume les moteurs fusées et on freine. Enfin, en freinant, on peut se rapprocher de la planète. L'autre astuce, c'est plutôt que d'utiliser du carburant, c'est de passer dans la haute atmosphère, autour de 120-130 km. Et là, avec les panneaux solaires, eh bien, on passe à grande vitesse, bien sûr, vers 3 km par seconde. Et là, il y a un frottement de l'air sur les panneaux solaires qui fait que c'est équivalent à allumer les fusées et se ralentir, ce qu'on appelle l'aérofreinage. Donc on utilise les panneaux solaires pour se freiner, un peu comme comme une voile, comme un parachute. Oui, exactement. Alors, ça se fait vraiment à très grande vitesse. Donc, on passe dans l'atmosphère extrêmement ténue. Le frottement est relativement faible. Cela dit, ça fait chauffer. La grande difficulté, ce n'est pas tellement qu'on risque de casser les panneaux solaires. Si on passe trop bas et trop vite, bien sûr, on cassera tout. Parce que plus on est bas, plus l'atmosphère est dense. Absolument. Mais le problème, c'est que, avant tout, à cette vitesse-là, dès qu'il y a un petit peu d'air comme ça, ça chauffe. Et ça a tendance à chauffer un peu l'électronique, les panneaux solaires. Donc on fait attention. C'est des manœuvres qui sont faites tous les jours en ce moment, commandées depuis l'Allemagne, le centre des opérations à Darmstadt en Allemagne. Et c'est en cours pendant encore plusieurs mois. Et on fait attention parce que d'orbite en orbite, on peut avoir des surprises. La densité de l'atmosphère peut être plus élevée suite à la variabilité météorologique. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut surveiller et faire avec attention. Donc TGO est en train d'arriver sur la planète Mars. Enfin, on est déjà arrivé, mais on est en train de circulariser l'orbite, d'arriver à la bonne orbite. On n'a pas encore fait fonctionner les instruments à plein. On les a testés pour certains d'entre eux. Un petit peu quand même. On a fait quelques mesures préliminaires au mois de novembre et au mois de mars. Deux fois, peu de temps, mais on a obtenu, pour nous, c'était très important, nous scientifiques, parce qu'on a pu récupérer comme ça les premières images, les premiers spectres. Il y a beaucoup de spectromètres à bord de cette chose-là, et de pouvoir calibrer, travailler sur les premières choses, mais on n'est pas encore dans l'enquête scientifique. Alors, peut-être je peux dire deux mots sur quand même ce qu'il y a à voir pour faire la science. J'aimerais bien qu'on parle tout de suite, parce qu'on aura le temps d'y revenir au cours de la soirée. Peut-être parler quand même de ce qui est le plus étonnant et intéressant, c'est la recherche de méthane. Alors oui, cet orbiteur donc, qui s'appelle Trace Gas Orbiter, l'orbiteur le satellite de recherche des gaz traces, tient son nom de son objectif principal scientifique qui est en effet de rechercher les gaz traces et parmi eux le méthane. Alors On dit Agastra, c'est un gaz qui est présent en très faible quantité. Très faible quantité. Ouais. On connaît déjà, grâce aux satellites qui ont déjà été autour de Mars et puis aussi aux observations depuis la Terre, un certain nombre de composants. L'atmosphère de Mars, c'est essentiellement du dioxyde de carbone, du CO2, avec un petit peu d'argon, un petit peu d'azote. On sait aussi qu'il y a un petit peu d'oxygène. Je peux continuer la liste comme ça. Mais on sait qu'il y a de l'ozone, mais au bout d'un moment, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est difficile de détecter. Alors, l'objectif de cette mission, c'est grâce à des instruments très précis, on va essayer de renifler ce qu'il y a dans l'atmosphère. Alors quand je dis renifler, on fait ça avec des spectromètres, en particulier en regardant les coups. Il y a 12 fois par jour, hein, il y a 12 orbites par jour, on voit le soleil se coucher vu depuis le satellite. Et là, on a une espèce de phare qui rétroéclaire l'atmosphère. Et avec des spectromètres très précis, on peut comme ça détecter l'éventuelle présence de gaz inattendu, qu'on ne connaît pas encore et qu'on va essayer de cartographier. Alors, donc on regarde le soleil, on pointe le soleil au moment où il est très bas sur l'horizon, comme ça la lumière du soleil se charge de la signature de toutes les molécules qui se trouvent dans l'atmosphère, c'est ça ? Voilà, on connaît bien ça sur Terre, on voit que le soleil devient rouge. Si on fait ça avec vraiment un instrument très précis qui va analyser la couleur extrêmement précise, tous les photons qui viennent du soleil, on aura un espèce de sondage très précis, et on pourra détecter la signature de certaines molécules. Alors l'idée derrière ça, ça fait quand même un moment qu'on étudie Mars. On a eu des rovers, pas mal de satellites qui ont cartographié sous toutes les coutures la surface, l'atmosphère, on a déjà fait pas mal de choses. L'idée derrière ça, c'est qu'on se pose une question, c'est quelle est l'activité sur Mars aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a par exemple une activité volcanique, géochimique ? On a un doute, c'est pas très actif actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis surtout, puisqu'on envisage qu'il y a pu y avoir autrefois des conditions favorables à la vie, peut-être même que cette vie s'est réfugiée en profondeur, là où on pense qu'aujourd'hui il y a des nappes d'eau liquide, l'élément indispensable à la vie tel qu'on peut l'imaginer. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment, comme sur Terre, à quelques kilomètres de profondeur, des bactéries actives ? Alors, l'idéal, ce serait de faire un forage très profond, de ramener des échantillons, les analyser. Profond, c'est combien ? Quelques kilomètres. Ah, quand même. Quelque chose d'extrêmement difficile. Sur Terre, on arrive à le faire, mais c'est vraiment difficile. Peut-être on y arrivera quand il y aura des astronautes sur place. Mais pour l'instant, avec des robots, on n'imagine pas pouvoir le faire. On va le faire un peu. 2 mètres. Avec le rover, à 2 mètres. Et c'est difficile pour dire, et on sera les premiers à le faire, pour dire la difficulté. Donc à 2000 mètres, 3000 mètres, très très dur. Donc à la place, astuce, on va essayer de renifler parce que ces bactéries, si elles sont là, peut-être qu'elles émettent certains gaz qui pourraient être la signature de leur activité métabolique, de leur reproduction, on ne sait pas. Et parmi ceux-là, effectivement, on envisage que le méthane pourrait être un candidat. Alors le méthane, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu ambigu. Ça peut aussi être produit par une certaine activité volcanique. On y reviendra peut-être. En tout cas, il se trouve qu'on est particulièrement motivé puisque la plupart du temps, on voit très très peu de méthane sur Mars. On a essayé de l'observer depuis l'orbite, depuis la Terre. On voit qu'il y a quelques traces de méthane. Ok, ça c'est normal, on s'y attend parce qu'on est en permanence des molécules organiques, ça a été évoqué tout à l'heure, qui arrivent sur Mars via les petites météorites qui arrivent. Et ça, en se décomposant, ça peut faire un tout petit peu de méthane. Ok, un tout petit peu de méthane, on s'y attend. Mais ce que l'on a vu, il y a en 2003, en 2013, de temps en temps, des espèces de bouffées de méthane. Mais très localisées. Localisées, assez localisées, ouais. Qui durent quelques jours, quelques semaines. Et ça, c'est totalement inexplicable. Donc, il y a tout un débat. C'est tellement inexplicable, d'ailleurs, que l'on se demande si ce n'était pas un artefact des instruments qui l'ont observé. Donc, une erreur. Car cette mesure est très difficile, très, très difficile. Alors, au moins, on aura le cœur net. On va mettre ce satellite capable de mesurer ce méthane avec une très, très grande précision. Probablement, quand on va commencer, on va trouver cette très faible quantité de méthane. Quand je dis très faible, c'est une molécule de méthane pour un milliard de molécules d'air. Bon, ça, on arrive à le détecter. On arrivera facilement. Ça, c'est normal. Mais est-ce qu'on va avoir ces espèces de panaches, de volutes de méthane qui vont arriver ? Le grand suspense. Donc voilà tout ce qui est derrière cette idée du méthane. Mais le méthane est quelque part une source d'inspiration. Peut-être qu'il n'y a pas de méthane, donc ce méthane n'est pas d'origine biologique. Mais malgré tout, cette idée qu'en regardant les gaz traces, on peut apprendre beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur de Mars, dans le sous-sol, etc. C'est un peu ce qui est à l'origine. Et ce faisant, on va faire plein de choses. Plein de météorologie, de sciences de l'atmosphère. On a une très très bonne caméra pour faire de la géologie. On a des détecteurs capables de cartographier la glace dans le sous-sol, etc. On y reviendra. Donc il faut suivre le méthane, hein, ce méthane qui peut éventuellement être d'origine biologique. On continue avec vous, Valérie Ciarletti. Et vous allez nous parler de Wisdom. Donc Wisdom, ce qui veut dire sagesse en anglais, bien sûr. Tout à fait. C'est un instrument passionnant. Qui va être envoyé sur le rover. Alors, attendez, le rover, où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Il y a une photo du rover. Ah oui, je sais bien qu'il y a une photo du rover. C'est quelle page ? Ah, le voilà. Le voilà, c'est page 10. C'est page 10. ExoMars 2020. Donc, ExoMars 2020, vous l'avez compris, on envoie une plateforme instrumentée, essentiellement russe, mais moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le rover et ce qu'on va pouvoir faire avec ce rover. Donc, vous parliez du radar Wisdom, qui veut dire sagesse. En France, on a un peu la manie des acronymes, et Wisdom a un sens, ça veut dire Water, Ice, Subsurface, Deposit, Observation on Mars. On a cherché très longtemps pour trouver cet acronyme. Il est beau, il est magnifique. Il est très beau. Ah, bravo. On n'est pas sûr de trouver de l'eau ni de la glace. Mais au moins, vous avez trouvé l'acronyme. On a trouvé l'acronyme. Bon, c'est bien, d'accord. Et l'idée derrière ça, c'était de dire que la sagesse voulait qu'avant de forer et d'aller faire des opérations donc de forage très compliquées, même à seulement 2 mètres de profondeur dans le sous-sol martien, il était quand même très sage de savoir ce qu'on avait des chances d'y trouver, d'où l'objectif technologique, technique de Wisdom qui doit cartographier le sous-sol au fur et à mesure que le rover se déplace à la surface de Mars. Eh bien, Wisdom vous pourra fournir, tout comme les caméras de navigation, les caméras scientifiques fournissent des images de ce qu'on voit en surface, Wisdom a pour objectif de cartographier, de faire une image du sous-sol. Et donc, en continu, c'est-à-dire le rover, le véhicule est en train de rouler à la surface, et en continu, on a la réalisation d'une image du sous-sol. Alors, c'est un continu qui n'est pas si continu que ça. En tout cas, on aura une image continue. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des centres d'intérêt, des points d'intérêt qui vont être identifiés à partir des images, des photographies, des caméras. Et quand on ira d'un centre d'intérêt à un autre point d'intérêt, on fait ce qu'on appelle des traverses. Et là, Wisdom va être utilisé de façon, à mon avis, pas tout à fait assez intensive. On est en négociation. D'accord. Mais disons qu'on va faire un sondage tous les mètres ou tous les 2 mètres. Et ça nous donnera une idée de ce qu'il y a sur le chemin. Et puis, par contre, quand on arrive dans la zone d'intérêt, alors là, on va faire du sondage très, très intensif de la zone pour essayer d'obtenir une cartographie en 3 dimensions, X, Y et la profondeur, de ce qu'il y a dans le sous-sol. Et pour faire ça, on va faire des mesures tous les 10 cm. On va utiliser les capacités totales de l'instrument, à savoir faire des mesures, ce qu'on appelle polarimétriques, faire une utilisation optimiser maximal des antennes de l'instrument qui sont un peu spécifiques sur les photos. Ce sont ce qu'on voit sur la campagne de test. On voit, l'image où on voit... C'est page 11. Les deux espèces de cubes jaunes que vous voyez sur ce rover, qui n'est pas le rover d'ExoMars, mais qui est un rover qu'on a utilisé pour faire des simulations dans le désert d'Atacama au Chili. Eh bien, les antennes sont vraiment d'une forme très, très spéciale. C'est deux espèces de lingots, là. Oui, en fait, chacun de ces lingots est formé d'une croix. Dans chacun des lingots, donc, il y a deux antennes qui permettent de faire varier ce qu'on appelle la polarisation du radar, ce qui fait qu'en un point, on fait 4 mesures différentes, en fait. Et donc, on va faire ces mesures tous les 10 cm selon un chemin qu'on appelle un wisdom pattern. C'est un espèce de... On fait un serpentin comme ça qui nous permet... C'est le rover qui va faire une sorte de serpentin, sur à peu près 5 mètres. On va imager un carré à peu près de 5 mètres sur 5 mètres et sur une profondeur qui va dépendre du milieu sur lequel on se trouve, mais au moins 2 mètres, voire 3 mètres, voire plus si le milieu est favorable. Si prête, d'accord. Voilà. Et l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de savoir si en dessous, il n'y a pas des zones qu'on ne pourrait pas aller sonder pour essayer de trouver de la matière organique, justement. Alors, on va chercher dans le sous-sol. Pourquoi ? Parce qu'on a compris, François nous parlait de kilomètres. On ne va pas sonder à des kilomètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour la vie a commencé sur Mars, au moment où elle apparaissait sur la Terre, en fait, bien, on peut imaginer qu'elle soit apparue, on peut dire, en surface. Au cours du temps, il y a eu des dépôts successifs, notamment cette poussière qu'on trouve à beaucoup d'endroits sur Mars. Et ce qu'on sait, c'est que actuellement, les conditions à la surface de Mars sont effectivement très, très défavorables à la vie. Il n'y a pas d'eau, il y a des radiations, ce qui fait que même s'il y avait eu des choses en surface, actuellement, elles seraient certainement complètement détériorées. Donc, on va chercher en profondeur, je reconnais que 2 mètres, ce n'est pas énorme, mais on va essayer de chercher Donc, dans les deux premiers mètres, un endroit où on se trouve, non pas dans la poussière, mais on atteint la roche, on atteint des dépôts sédimentaires. Et Wisdom doit pouvoir dire à tel endroit, il n'y a pas trop de roche dans le sous-sol, vous pouvez sonder à 1,50 m de profondeur, recueillir un échantillon. C'est à cet endroit-là qu'on voit des couches apparaître qui pourraient potentiellement être intéressantes. On s'est forgé un petit mot ? Oui, c'est juste pour préciser pour ceux qui ne sont pas spécialiste de Mars, une chose très bête qui est sous-jacente à tout ce qu'on raconte un petit peu. Et c'est illustré ici à la fin, dans les images à la fin. C'est l'idée que lorsqu'on regarde les terrains anciens, vous voyez, regardez les deux dernières photos. C'est la page 14 et la page 15. Alors la page 14, c'est une image d'artiste. Oui, c'est une image de. Oui, c'est une mais c'est l'idée vue d'artiste. Quand on regarde les terrains anciens de Mars, alors les terrains anciens de Mars, on peut les dater avec des méthodes de géologie, et on voit que ces terrains anciens datent de 3, 4 milliards d'années, c'est-à-dire c'est la jeunesse de la planète qui est née, comme la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Et partout où on regarde ces terrains anciens... Il faut bien comprendre ça, hein. La planète est née il y a 4 milliards et demi d'années, mais on voit beaucoup de terrains qui ont 4 milliards d'années. Hein, voilà, à peu près la moitié de la planète date de 4 milliards d'années. C'est un sol qui a peu changé, il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas de... Ah, exactement. Donc, voilà. Et quand on regarde toutes ces zones-là, on voit très souvent des lits de rivières asséchées, des anciens lacs. Plein de choses très étonnantes. Par exemple, la dernière image, la page 15, illustre... on est là au bord d'un cratère. Vous avez hors de la photo une rivière qui arrive et on voit une espèce de delta. Donc c'est sur la gauche de la photo. Il y a une rivière qui arrive, on ne la voit pas. Hein. Voilà, et on voit le reste d'un espèce, un espèce de delta. C'est ce qu'on voit, l'image c'est ça, c'est ce delta. Qui a laissé des traces sédimentaires. Et donc tout indique, pour faire simple, qu'à cette époque-là, il y a 3,5, 4 milliards d'années, Mars était une planète propice à l'eau liquide, aux lacs, aux rivières. Et que donc, à cette époque-là, la vie est apparue. Comme la vie est apparue sur Terre, on peut se poser la question, est-ce que peut-être que la vie est apparue sur Mars ? C'est même une probabilité qu'on ne peut pas écarter. Donc on a envie de mener l'enquête. Comment mener l'enquête ? Il faut aller sur place, voir si peut-être une forme de vie a pu survivre qu'aujourd'hui, mais surtout, quelque part, rechercher des fossiles sous forme, alors peut-être pas des coquillages, on aimerait bien, voire des clés à molette, mais une clé de 12. Clé de 12, ouais. Il y a plus de probabilité pour la clé de 12. Mais peut-être aussi sous forme, et c'est ça, c'est les enquêtes qu'on mène sur Terre aussi, de molécules organiques, de choses comme ça. Et c'est ça qui est un peu l'objectif du rover ExoMars, voir si dans ce sous-sol, il ne reste pas protégé par 1-2 mètres de sol des restes de molécules qui pourraient nous signaler une présence de vie ancienne, voire, ce serait incroyable, présente. Mais on croit... Et la motivation forte, c'est aussi passer. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que si on trouve rien, ou si on trouve quelque chose de bizarre intermédiaire, on ne peut pas perdre, parce qu'il y a eu de l'eau liquide pendant probablement des millions d'années, voire des centaines de millions d'années, à une époque où la vie est apparue sur Terre, et tout indique que les conditions étaient très favorables sur Mars. S'il ne s'est rien passé, il faut mener l'enquête. Pourquoi la vie est apparue sur Terre et pas sur Mars ? Peut-être qu'il y a eu aussi le démarrage d'une forme de vie, mais qui c'est quelque chose qu'on appelle prébiotique dans nos jargons. Bref, une étape intermédiaire entre le non-vivant et le vivant. Pourquoi pas ? À ce moment-là, on va pouvoir peut-être avoir des indices sur ce qui s'est passé. Parce que sur Terre, on ne peut pas mener cette enquête-là. Il n'y a plus que de la vie. Il n'y a plus rien d'intermédiaire entre le non-vivant et le vivant. Ou alors, on va trouver une forme de vie qui a vraiment démarré. Bref, cette enquête-là, il faut la mener. Alors, on va pas la conclure avec ExoMars, mais on va la commencer. J'ai un premier message du rover qui vient de Mars. Oh, j'ai le blues de Mars, oui, oui. Je vous jure, c'est pas une farce, non, non, non. Donnez-moi un gaz trace, oh oui. Une molécule qui fasse que la vie est bien présente ici. Oh, j'ai le blues, pourvu que je trouve une bonne clé de 12. All right. Yeah. Donc je vais passer parmi vous dans le public pour recueillir vos questions, mais quand même un dernier petit mot de Michel Vizeau. Qu'est-ce qui vous étonne le plus là dans ce que l'Europe est en train de faire avec ces trois engins ? C'est quoi le plus difficile peut-être ? Ben, tout est difficile. D'abord, l'espace, c'est pas quelque chose de facile, et c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui n'est pas facile, notamment en Europe, parce qu'il faut mettre de nombreux pays d'accord, et c'est la condition du succès, mais c'est aussi la condition de risque important. parce que tout le monde ne parle pas de la même façon, parce que tout le monde, le oui de l'un ne veut pas forcément dire le oui de l'autre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on met des engins extrêmement ambitieux. Wisdom, c'est une collaboration internationale avec des Allemands, avec des Danois, avec des Français. On est sur ExoMars, par exemple, sur le véhicule lui-même, il y aura 9 instruments. Nous sommes responsables de 2 instruments. Nous, le CNES. Nous, la France, d'une façon générale, avec les scientifiques et le CNES qui les soutient. Et on participe à 3 autres instruments de façon directe en fournissant du matériel. Et cette capacité, ces talents qui sont dispersés sur tout le territoire, eh bien, ils peuvent s'exprimer parce qu'on a cette coopération. Si on voulait faire que quelque chose tout seul, on ferait un truc ridicule, tout petit, et il y aurait une communauté très faible qui serait intéressée. Et donc, ça, c'est la première chose. Mais moi, Alors, on a réussi à lancer le TGO et on a réussi à monter cette coopération avec les Russes, qui est extrêmement profitable, qui marche bien. Et sur TGO, par exemple, il y a un instrument russe avec une contribution française, puis un instrument européen dirigé par les Belges. Tout ça, ça fait qu'on arrive à travailler ensemble. Alors, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, bien entendu. Mais globalement, on arrive à faire une véritable science de très haut niveau, du même niveau que celle de nos principaux collaborateurs, pas compétiteurs, mais que sont les Américains. Et la communauté française est très bien placée. Je pense qu'avec ExoMars, la communauté européenne, dont la communauté française, sera encore beaucoup mieux placée. Donc, voilà ce qui... ce que j'espère et ce qui va, ça va pas m'étonner, mais ce qui me ravira, c'est lorsque notre véhicule européen fera ses premiers tours de roue à la surface Mars. On attend ça avec impatience. Est-ce qu'il y a des questions sur Twitter, peut-être ? Non, c'est une question de moi. Vous espérez vous poser sur Mars donc en 2021. Donc vous, c'est les Européens et les Russes. Les Européens, pour l'instant, ont eu un peu de mal à se poser sur Mars. Les Russes n'ont pas eu beaucoup plus de chance. Comment vous le sentez ? Alors. Il y a 2 sortes d'échecs. Il y a celui qui ne sert à rien et celui qui vous apprend quelque chose. Il se trouve qu'en Europe, lorsqu'on a essayé d'atterrir, on a eu 2 échecs. Premier échec, tout le monde l'a oublié, heureusement, ça s'appelait Beagle 2. C'était en 2003 avec l'arrivée de Mars Express. Et là, on a lâché une sonde. Pas de son, pas d'image. On l'a retrouvée 10 ans après. On a vu des images, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, on n'en a tiré aucune leçon. Et c'était un échec qui n'a rien appris. Schiaparelli, donc la sonde qui était censée se poser à la surface de Mars pour démontrer les capacités de l'Europe à mettre une charge utile importante, était déjà quand même pratiquement 8 fois plus lourde, hein, elle faisait presque une tonne. Que Beagle 2. Que Beagle 2. Hein. Oui, oui. Et donc, il faut dire un mot que Schiaparelli, c'est l'un de ces 3 appareils qui composent le programme ExoMars. Le programme ExoMars, hein, donc c'est 4 gros appareils, Schiaparelli, TGO, donc qui ont été lancés, et puis la plateforme et le véhicule, le rover. Donc, Schiaparelli, on a parfaitement réussi d'entrer dans l'atmosphère et puis on a raté la dernière phase de l'atterrissage quand il a fallu déployer les parachutes. Et là, ça s'est mal passé. Mais le point important, c'est que durant cette phase, on a recueilli tout le temps des données jusqu'au moment de l'impact final, donc entre le moment où les parachutes se sont détachés à 4000 mètres et le moment où il est arrivé au sol, ça a duré 19 secondes. Toute la séquence avant, bien entendu, et ces 19 secondes-là, on les a et on sait exactement ce qui s'est passé. La commission d'enquête travaille, elle en tirait des conclusions. Les conclusions sont tirées, mais elles ne sont pas forcément publiques. D'accord. Alors, il y a des choses qu'on peut dire. Oui, on sait qu'il y a eu la saturation d'un capteur pendant 0,8 secondes. Et la saturation de ce capteur a provoqué un ensemble de réactions qui s'est traduit par un allumage de tous les systèmes qui étaient prévus ont fonctionné, pas au moment voulu et pas par la durée voulue, mais ils ont tous été mis en œuvre. D'accord. Non, mais c'est une preuve, mine de rien, c'est que ça répondait à un certain nombre de choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de rotation qui n'était pas prévu et de balancement qui fait qu'à un moment donné, tout le monde, ça s'est un peu perdu. Voilà. Mais Donc la saturation du capteur pendant 0,8 secondes, est, d'après ce que j'ai compris moi, la cause première de ces événements. Et après, on cherchera les coupables et puis on les fusillera le matin à l'aube dans les couloirs de l'Estec. François Forget, un mot quand même sur Schiaparelli, sur ce qui s'est passé. On a des images, là, la page 8 et la page 9. Déjà, on peut voir la page 8. Alors, ce n'est pas très visible, mais on voit quand même un bel ovale vert. Ça, c'était la zone où on devait se poser. Et idéalement, on devait se poser sur la mini-croix verte qui est au centre. Et on s'est posé dans le carré blanc qui est à gauche de la croix verte. Est-ce que, alors, je répète parce que ce n'est peut-être pas très clair, mais vous avez un grand ovale qui est la zone... La zone probable, statistique de l'atterrissage, on appelle ça une landing ellipse, une ellipse d'atterrissage. Et il se trouve que, notamment si tout s'était bien passé comme prévu, on serait quasiment arrivé au centre, ce qui est une très bonne performance, qui nous suggère que tous les calculs étaient quand même bien réussis. Donc le centre, c'est la croix verte, et on voit qu'on est tombé au niveau du petit carré blanc qui se trouve à côté de la croix verte. Voilà. Alors en deux mots, les calculs, c'est François. Hein. Non, pas tout. Les calculs, c'est François, dit Michel Bizeau. Une toute petite partie. Non, juste en deux mots pour rappeler quand même, parce que ce sera la même chose pour 2020. Et comment on fait pour atterrir sur Mars? Il se trouve que c'est très difficile. C'est plus dur que d'atterrir sur Terre, et c'est plus dur que d'atterrir sur la Lune, parce que sur la Lune, sur Terre, c'est bien, il y a une atmosphère épaisse, on ouvre le parachute et on se pose tranquillement. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc on descend jusque presque à la surface, on met un gros coup de frein et on se pose, comme à l'émission Apollo, puis en plus la gravité est moindre. Et Mars, on a le pire des deux, c'est-à-dire qu'on peut pas, on est obligé de freiner très fort à plus de 100 km d'altitude, sinon on va brûler dans l'atmosphère. Puis ensuite, il faut descendre pendant 100 km et l'atmosphère est trop fine pour vraiment utiliser les parachutes. On essaye quand même. Donc en gros, l'atterrissage devait se passer de la manière suivante et se passera de la manière suivante pour en 2020. On a une sonde donc, qui arrive directement depuis la Terre, à peu près à 21 000 km/h, comme on l'a dit. On rentre à pleine vitesse. Alors bien sûr, à ces vitesses-là, comme vous le savez tous, comme pour Apollo, la navette spatiale, il faut un bouclier qui va chauffer. On va chauffer très fort, on va descendre comme ça profondément jusque vers 40, 30, 20 km d'altitude. Et puis lorsqu'on arrive à peu près vers 10, 11 km, on est encore à une vitesse supersonique. Mais bon, la surface est là, il faut faire quelque chose. On sort un parachute hypersonique. Donc ça, on ne fait jamais sur Terre, mais il a fallu le créer pour Mars. Pour le gros rover de 2020. Parce qu'on est toujours à des vitesses. On est à peu près à 1700 km/h. Oui. Et donc, c'est des parachutes particuliers, vous avez peut-être déjà vu, avec une calotte, un trou et puis une petite bande de contrôle. Enfin bref. Pour vous donner une idée, le rover de cette année, 2016, il pesait 577 kg à l'entrée. Il y avait rover, vous voulez dire L'atterrisseur Schiaparelli. Et on sortait un... Il pesait combien ? 567 kilos. Ah oui, 560 kilos, c'est un gros bébé. C'est gros, mais pour vous dire qu'en 2021, le rover plus la plateforme, qui vont être beaucoup plus massifs, au-delà de 2 tonnes, là, premier petit parachute extracteur, si vous voulez, enfin, du grand parachute, c'est la même taille, c'est le même que celui qu'on a utilisé en 2016, pour vous donner les dimensions. Le petit parachute qui va permettre d'extraire le gros parachute. Ouais, je simplifie un peu, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, ce sera beaucoup plus gros. Néanmoins, le problème est le même. Donc, on sort le parachute, et ensuite, ça freine un peu, ça. Et puis, arrivé vers 1200 mètres d'altitude... alors, en entre-temps, on va larguer le bouclier avant qui ne sert plus à rien. On aura un radar qui va nous donner à quelle altitude on est. Et puis, arrivé à vers 1200 mètres d'altitude, on largue tout, le parachute. Et là, on allume des rétrofusées pour faire les dernières 30 secondes en contrôle. Hein, on a tous ces images-là, Apollo. Et on va se poser sur 3 pieds à la surface. Bon, ça n'a pas marché, comme disait Michel. Au moment où on a déployé le parachute, ça fait des vibrations très intenses. Un capteur d'orientation a saturé. Et saturé, ça veut dire qu'il a commencé... Au lieu de dire ouais. « je suis en train de vibrer très fort et à un moment donné, ma vitesse va être de je sais pas, 20 radians par seconde ou je sais pas quoi, par microseconde », il aurait dû dire ça puis bien retranscrire sa vibration. À un moment donné, il est arrivé à une vitesse maximum et il est resté coincé là. Il a dit à l'ordinateur de bord « je suis en train de tourner très très vite pendant presque une seconde ». C'était faux. En réalité, il ne tournait pas comme ça pendant presque une seconde. Mais il a juste saturé dans sa mesure de vitesse de rotation. C'est un peu technique. Néanmoins, ça fait que l'engin ne savait plus trop comment il était orienté. Et il s'est un peu trompé dans son orientation. Et il a cru qu'il avait la tête en bas, si vous voulez. Et que son radar regardait vers le haut. Or, le radar ne regardait pas vers le haut, il regardait vers le bas. Donc, quand il mesurait une certaine distance entre le sol et lui-même, comme il pensait qu'il regardait vers le haut, il s'est dit « mais je suis sous la surface ». Ah oui, d'accord. Et il y a une forme de panique électronique. Alors, quand on regarde bien en détail, je ne vais pas détailler, tu as raison, on ne va pas trop détailler. Le logiciel de bord était quand même bien fait. Il y avait beaucoup de systèmes de redondance pour empêcher ce problème-là. Mais malgré tout, le filtrage de ces données n'a pas suffi. Et c'est une suite d'erreurs, si vous voulez. Cette saturation n'était pas prévue. Finalement, tu as raison, quelque part, cette accélération n'était pas tout à fait prévue. Mais ce n'est pas ça qui a été vraiment le problème. C'est avant tout la saturation, puis... peut-être qu'un logiciel de bord mieux conçu aurait pu réussir. Vous allez me dire, les ingénieurs sont nuls, ils auraient dû le prévoir, mais comprenez bien, et ça c'est vrai pour la plupart des missions spatiales. C'est pas le genre de choses qu'on dit au mardi de l'espace, non, on n'entend pas ça en général. D'abord, moi j'ai beaucoup travaillé avec ces ingénieurs, ce sont des ingénieurs italiens essentiellement, et ils étaient vraiment affûtés, je vous jure. Et d'autre part, il faut bien comprendre, et ça c'est une morale générale pour tout le spatial, cette extrême difficulté dans une mission spatiale comme celle-là, il faut concevoir un engin qui va marcher à la perfection pendant toutes ces minutes où on enchaîne des déploiements, d'explosions de boulons, une petite rotation, une mesure, un allumage de radar, une rétrofusée, vous voyez la difficulté, sans pouvoir le tester. Donc on a tous fait du bricolage ou de la programmation informatique, vous n'avez pas le droit de le tester, vous devez créer, vous dites je vais appuyer sur return et tout va marcher parfaitement. Et bien des fois ça ne marche pas, et on peut ajouter que toute cette phase de descente, très difficile, le bouclier, le parachute, ça c'était vraiment difficile. Et bien finalement ça a bien fonctionné. Donc on est heureux parce que finalement ce que l'on pensait être le plus difficile a été bien réussi. Ça nous donne de la confiance pour 2021. Avec quand même, il va falloir bien être encore plus redondant, faire attention. Donc pour conclure, pour revenir à la question initiale qui était quelle est la confiance pour 2021. Donc ce sera avant tout du matériel russe avec... si vous voulez, des logiciels, ce qu'on appelle une avionique, des capteurs, le radar, tout ça, on va garder le même système européen. Et on espère que la combinaison des deux va fonctionner, mais c'est nullement garanti. Par contre, là, si on se crache, ce sera une déception énorme, parce que Wisdom sera à bord et quelques autres instruments annexes, mais. Quelques autres, ouais, mais ouais. Tout l'engin. Donc ce sera là, on va vraiment croiser les doigts et ce sera. On appelle souvent cette séquence d'atterrissage les 7 minutes de terreur. En l'occurrence, nous, ça va un peu plus vite. Les 6 minutes de terreur, c'était. Et là, ce sera à nouveau vraiment 6 minutes de terreur où on va beaucoup angoisser et on espère que ça réussira. Cette fois. Bon, OK. D'autres interventions? Alors, attends, j'ai monsieur d'abord. Voilà, à vous, monsieur. Bonjour, monsieur Lhomme. Ma question concerne les températures qui ont pu exister sur Mars à l'époque où la Terre a vu la naissance de la vie. Est-ce que la différence de température qui existe aujourd'hui était la même? Et quelle aurait pu être l'influence sur la naissance de la vie sur Mars? Alors, en fait, c'est une très bonne question, au sens où ça fait partie des grandes énigmes. Je vais essayer de répondre rapidement. Des grandes énigmes de la, parce qu'on a plein du système solaire. On n'est pas certain exactement quel était l'environnement. Est-ce que c'était chaud et humide, entre guillemets, avec de la pluie, etc. Ou quelque chose de très, très froid et glacé, avec de temps en temps des événements qui créaient la coulée de rivières. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des températures de temps en temps au moins, et peut-être sur des très longues durées, compatibles avec de l'eau liquide, c'est-à-dire entre 0, 10, 20 degrés, comme sur Terre, et puis aussi une atmosphère suffisamment épaisse pour que l'eau liquide coule. Actuellement, sur Mars, l'après-midi sous les tropiques, il fait souvent à la surface 10, 20 degrés, mais la pression est tellement faible qu'on ne peut pas avoir d'eau liquide. Elle s'évaporerait tout de suite, et puis elle bouillerait tout de suite. Donc voilà une réponse en deux mots. Bonjour. Moi j'aurais une question. Vous avez dit qu'une partie du matériel serait fabriquée en Russie, mais j'ai cru comprendre que les Anglais à Stevenage avaient une partie de la prod. Donc je voulais voir à peu près comment vous organisiez dans la répartition des lots avec les différents pays européens. Puis qui c'est qui a porté le plus de clés de 12, quoi. Voilà. Alors, il y a des choses différentes. Il y a un partage des tâches entre, dans le cadre de la collaboration internationale, entre la Russie et l'Europe. Ça, c'est la première chose. Et donc, les Russes sont responsables du lancement, de la capsule de descente de la plateforme, du système de descente. Et puis ensuite, dans la page 13, il y a un organigramme. Et puis, en bleu, c'est ce que font les Russes. L'Europe, pardon, en rouge, c'est ce que font les Russes. Et en bleu et rouge, c'est ce qu'on mélange entre les deux. Et qui sont les moments ou les lieux d'interface qui sont les plus difficiles et les plus critiques. Quoi qu'il en soit, donc ça, c'est un partage au niveau de la... des fournitures. Donc les Russes fournissent ce genre de choses. L'Europe, dans le cadre de cette mission, elle va fournir essentiellement le véhicule. Le véhicule actuellement est fabriqué à Airbus Defence and Space UK, donc à Stevenage. Ils fabriquent la structure, le moteur, etc. Par contre, par exemple, le laboratoire analytique est une fourniture italienne et les instruments qui vont venir se mettre dans le véhicule seront des fournitures des pays membres. La Russie fournira n'est pas un pays membre, mais fournira des éléments, deux instruments pour être sur le véhicule. Et puis ensuite, il y a la France qui fournira deux instruments, l'Allemagne fournira un instrument, l'Angleterre fournira un instrument, etc., etc. Donc c'est vraiment un partage européen. Et pour chaque instrument, il y a des coopérations européennes. Et c'est ce qui fait que, ExoMars est une mission vraiment européenne, quoi, au vrai sens du terme. Parce que, aussi bien le véhicule, et dans le véhicule, il y a des contributions françaises, allemandes, danoises, tchèques, etc. Donc c'est vraiment une répartition qui se fait au prorata, en fait, des contributions financières des pays. Alors je suis en bas. Et je suis au rez-de-chaussée et j'ai mademoiselle qui a une question pour vous aussi. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de sonder les sols martiens pour pouvoir essayer de détecter éventuellement des fossiles ou des traces de vie passée. Est-ce que vous privilégiez certaines zones comme des zones qui auraient été auparavant avec de l'eau ou sèches, des bords d'eau? Comment vous faites pour privilégier vos zones d'atterrissage? Bien, alors en fait, c'est François qui devrait répondre, mais je vais juste dire un petit mot. En fait, les sites d'atterrissage qui ont été proposés par différentes équipes ont été étudiés selon des critères technologiques. On ne peut pas se poser n'importe où, on essaye de se poser assez bas dans des creux parce que l'atmosphère est un peu plus épaisse que sur les sommets. On évite les zones où il y a trop de poussière parce que ce serait compliqué, on n'a pas envie de s'enliser, le rover n'a pas envie d'avoir des problèmes de locomotion. Et puis surtout, d'un point de vue scientifique, on cherchait des zones anciennes. Ce que expliquait François tout à l'heure, on pense que si la vie est apparue sur Mars, elle est apparue au moment de la formation de Mars. Donc les terrains anciens sont les terrains privilégiés sur lesquels on voulait se poser. On cherche aussi des traces d'érosion aqueuse qui prouvent que dans ces endroits-là, il y a eu de l'eau dans le passé de Mars. Parce qu'on pense que tous ces critères-là nous amènent à sélectionner un endroit où on a potentiellement des chances de trouver peut-être s'il y a eu un jour de la vie sur Mars. Donc je crois qu'il y avait 8 sites d'atterrissage qui avaient été proposés. Un avait été retenu lorsqu'on devait partir en 2018. Et puis lorsque le lancement de la partie rover, on va dire deuxième volet d'ExoMars, a été repoussé en 2020, on a joint un deuxième site d'atterrissage. Donc actuellement, on sait qu'on se posera soit sur Oxia Planum, soit sur Mars Vallis. Voilà. Alors François Forget fait partie du groupe qui va décider du site d'atterrissage. On était à 4, à 3, maintenant il y en a 2, Mars Vallis ou Oxia Planum. Ouais. En fait, il faut voir que même parmi toute la variété des terrains anciens, tout le monde est d'accord pour dire bien sûr qu'avec ce rover, il faut aller dans des terrains anciens qui ont connu l'eau liquide il y a 3-4 milliards d'années. Et à l'intérieur de tout cet ensemble de terrains, il y a un peu deux philosophies. Soit on va sur des terrains pas si anciens que ça, par exemple, comme celui qui est sur la photo à la dernière page du où on voit ce delta avec tous ces sédiments. Ce delta, qui s'appelle Esbelvardé, n'est pas si ancien que ça, mais comme il n'est pas si ancien que ça, il est très bien préservé. C'est un peu vers un site comme celui-là que le rover Curiosity a été mené, dans le Gale Crater, où on a tous ces roches sédimentaires. Et puis, l'autre possibilité, c'est d'aller dans des terrains très, très, très anciens, très altérés par l'eau liquide, mais tellement anciens qu'ils sont difficiles à interpréter, un peu compliqués, avec des... Alors, on voit qu'ils sont intéressants parce qu'il y a beaucoup d'argile, des choses qui ont été découvertes par Mars Express, par une équipe française, donc c'est très intéressant pour nous. Et il y avait un peu toujours ce débat. Est-ce qu'on va dans des terrains pas si anciens que ça, mais bien préservés, ou des terrains très très anciens, qui datent peut-être d'une époque où Mars était vraiment couvert d'eau liquide, mais ils ont tellement été altérés qu'on sait plus, on va avoir du mal à mener l'enquête. Ce qui a été décidé, là, pour les deux sites qui restent, c'est vraiment d'aller vers cette seconde option. Des terrains très très anciens, très compliqués, et dans lesquels on espère trouver donc des accumulations d'argile, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui datent peut-être d'une époque vraiment quelque part différente de ce que actuellement explore Curiosity. Ça va être encore une autre planète Mars, peut-être un milliard d'années plus, un milliard ou 500 millions d'années plus ancien que ce que observe Curiosity. Donc une nouvelle enquête à faire. D'autres interventions ? Ah oui. Bonsoir. Donc ma question, c'est de savoir si vous pensez que la vie sur Mars soit arrivée en premier quand l'environnement martien était propice à la vie, qu'ensuite une météorite ait pu passer la vie sur Mars vers la Terre et que la vie de la Terre provienne en réalité de Mars. Je fais référence à la météorite de Alan Hills qui a été trouvée en Antarctique. Alors, donc effectivement, ce qu'on appelle la théorie de la lithopanspermie. Donc, une théorie qui anime beaucoup de gens. La lithopanspermie. Alors, litho, c'est la pierre. La panspermie, c'est la distribution de la vie. Voilà. Donc, c'est, voilà. Donc, les pierres nous auraient apporté la vie. Pour l'instant, on ne connaît de vie que sur Terre. Les formes de vie éventuelles martiennes sont supposées, espérées, recherchées. Il n'est absolument pas évident, il n'y a aucune raison de penser que si jamais une forme de vie a émergé sur Mars, elle est émergée avant la Terre ou après. Il n'y a aucun indice actuellement, enfin je parle sous le contrôle des scientifiques, qui nous laisse penser que ce soit l'un ou l'autre qui soit premier. Donc, on aura la réponse si on trouve des éléments suffisamment caractéristiques de la vie martienne, s'il y en a une qui existe, une forme de vie martienne, et si on la compare à la vie terrestre. Si elles sont totalement différentes, c'est qu'elles sont totalement différentes. Maintenant, la lithopanspermie, donc cette hypothèse qu'une forme de vie aurait pu se développer sur Mars, puis être transportée vers la Terre, elle est physiquement possible, puisque nous avons des météorites martiennes, je crois qu'on en a une cinquantaine ou 70 maintenant, enfin c'est relativement fréquent, et donc c'est possible. Maintenant, ce n'est pas parce que quelque chose est possible que ça devient probable, ni même que ça devient réel. On ne peut pas l'écarter. Mais je dirais qu'actuellement, cette histoire qui c'est le prom entre Mars et la Terre, c'est une question qu'on ne se pose pas trop sur le plan scientifique parce que pour l'instant, on n'a aucun élément martien pour dire qu'il y a déjà quelque chose. Donc avant de dire qu'il faut être prom ou dose, il faut quand même avoir un peu plus de précision. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, ce n'est pas vraiment une question scientifique, même s'il y a des gens qui travaillent sur tout un tas d'hypothèses en montrant que ce n'est pas impossible. Voilà, donc ce n'est pas impossible, mais je n'ai pas d'autres éléments de réponse à vous fournir. François Forget. C'est quand même un aspect important dans cette idée, c'est qu'effectivement, on peut comprendre que les deux planètes, au cours de leur histoire, étaient frappées par des astéroïdes, par exemple, ce qui a éjecté des roches. Et on peut calculer, par exemple, que 20% des roches éjectées de Mars finissent sur Terre. Donc ça fait beaucoup de volume, beaucoup de quantité. Ouais. Ouais. Donc il y a eu des échanges. Et pourquoi c'est important de l'avoir en tête ? Parce que quand on rêve, un jour, peut-être ou pas, de trouver une forme de vie sur Mars. Et la leçon que l'on tirera de la découverte de vie sur Mars va dépendre de sa nature. Si on trouve une vie qui ressemble, par bien des aspects, à la vie terrestre, avec peut-être de l'ADN ou quelque chose qu'on aurait l'impression fait partie de l'arbre de la vie tel qu'on a sur Terre, on se dira, bah oui, là il y a une origine commune. Peut-être que, alors on ne saura pas où elle a démarré sur Mars. Est-ce qu'on est tous martiens au départ ou pas ? Enfin bref, on ne saura pas. Par contre, on se dira, bah oui, le miracle. Physico-chimique qui fait que, miracle ou pas d'ailleurs, le processus physico-chimique qui a créé la vie, on ne saura toujours pas s'il est exceptionnel, parce qu'il aura démarré quelque part, sur Mars ou sur Terre, et ok, ce sera répandu à Mars ou la Terre, mais ça ne voudra rien dire. Par contre, si on trouve une forme de vie sur Mars, mais qui est totalement différente, vraiment basée sur d'autres molécules, en gros, si on trouve ce qu'on appelle une seconde genèse, à ce moment-là, on aura une forme de preuve que partout où il y a de l'eau liquide et des conditions propices à la vie, l'eau liquide exposée au soleil, a priori, une chimie complexe démarre, la vie démarre. À ce moment-là, on pourra se convaincre que sur toutes ces milliards d'exoplanètes pour lesquelles on pense qu'il y a de l'eau liquide à la surface, peut-être que la vie a démarré et que la vie est abondante. Par contre, si on trouve la même sorte de vie, le fait qu'on trouvera de la vie sur Mars ne nous apprendra pas grand-chose de ce point de vue. On a contacté l'agence chilienne dans les déserts d'Atacama. On a appelé la danoise et même l'allemande basée à Darmstadt. On prétend que l'agence italienne est vraiment très très affûtée. Et bien que l'américaine soit un peu en peine depuis Donald Trump, on oublie tout. dès qu'on a atterri sur Mars, on devient fou, sans parachute vers la surface. Aïe aïe aïe, la gravité qui nous entraîne, dès qu'on approche la planète rouge, ça fait très peur car ça vous mène vers la planète à la vitesse des 1700 km/h. Aïe aïe aïe, ça va vite. ExoMars, ExoMars, sous le soleil qui chante, le temps paraît trop court pour faire péter boum boum tous les boulons. ExoMars, ExoMars, en 2021 ça marchera. Grâce au logiciel russe, on arrivera entier à sa surface. ExoMars, ExoMars, ExoMars, ExoMars. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait pour continuer après ça là? On est... Bon, d'autres interventions. J'ai une main qui se lève. Est-ce que c'est pour poser une question ou c'est juste pour faire un peu d'exercice? D'accord. Monsieur. Je voulais juste savoir s'il y avait des réflexions au CNES sur apporter la vie sur Mars et cultiver sur Mars, etc. Alors, il y a des réflexions dans le monde entier sur comment ne pas apporter de la vie terrestre sur Mars. Ça s'appelle la protection planétaire. Désolé, monsieur. Voilà, donc on en a parlé d'ailleurs il y a quelque temps. Et donc, il y a déjà un accord international qui est fondé sur la loi de l'espace de 1967, qui fait en sorte qu'on fait tout pour envoyer sur Mars des instruments stériles, le plus propre possible, et plus stérile que la plus stérile des salles d'opération que vous pouvez rencontrer dans le meilleur hôpital sur Terre. Donc, je veux dire, on ne veut pas apporter de la vie sur Mars. La deuxième question que vous posez, c'est, il y a des gens qui réfléchissent pour amener des hommes sur Mars. Donc effectivement, il y a la NASA en a fait même un objectif maintenant, qui n'est pas encore un projet, mais un avant-projet sur lequel les gens travaillent, sur comment faire en sorte qu'on puisse amener et visiter Mars avec des astronautes. La France n'est pas en pointe sur ces choses-là. On y contribue à travers quelques scientifiques, on y contribue avec l'Agence spatiale européenne, des réflexions. Il y en a eu beaucoup il y a quelques années, il y en a un peu moins maintenant. Ça revient petit à petit, la politique américaine n'étant pas très lisible actuellement. Ah donc bon on va se presser lancement. J'espère que la nôtre sera beaucoup plus lisible, bien sûr. Mais donc, sans aller dans ces préjugés, donc voilà. Alors, quant à l'autre idée qui consiste à dire... on va envoyer 100 000 personnes, voire 1 million de personnes, voire 1 milliard de personnes sur Mars quand on aura pourri la Terre. Ah, c'est Elon Musk qui dit ça, le patron de SpaceX. Donc SpaceX, Mars One, etc. Là, c'est une opinion assez personnelle, mais je considère que ces idées sont criminelles. Criminelles? Elles sont criminelles, oui, parce que il y a qu'un seul vaisseau spatial pour la biodiversité terrestre, c'est la Terre. Et il y a, quels que soient les projets, je viens d'avoir un papier qui m'a été remis par un collègue où il y a des gens qui disent qu'ils vont mettre un dipôle au point d'équilibre entre la Terre et Mars. Alors, je ne sais pas comment on trouve un point d'équilibre, un point de Lagrange entre la Terre et Mars. Oui, un point de Lagrange entre la Terre et Mars. Et on va mettre un dipôle qui va régénérer le champ magnétique de Mars et le protéger du vent solaire. Alors, j'ai un article, enfin, un entrefilet. On raconte tout et n'importe quoi et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et je dis que c'est criminel parce que, encore une fois, on n'y a aucune raison de penser qu'on puisse envoyer des gens vivre dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a rien, on ne sait même pas s'il y a des mines, on ne sait même pas s'il y a des endroits où il y a du cuivre, où il y a du fer, des filons, des choses comme ça, on n'en sait rien, alors que sur Terre, il y a tout. Et donc, s'il y a une seule chose dont on doit prendre soin, c'est la Terre. Et ne pas entraîner les gens à penser qu'on peut aller ailleurs et qu'il y aurait un avenir pour l'humanité. Je ne sais pas ce que c'est probablement les plus riches des Américains qui pourraient effectivement être envoyés par les galériens terrestres sur Mars. Ça, c'est du transhumanisme, c'est des choses sur lesquelles je suis en total désaccord et je pense qu'il faut arrêter avec ces contes et ces balivernes. Encore une fois, il y a un seul vaisseau spatial pour la planète, pour la biodiversité terrestre dont nous sommes un élément, c'est la Terre. Il faut arrêter avec ces contes, hein, ces contes, il y avait un T à la fin, d'accord. Et il y a des applaudissements là, qui ont commencé à fuser aussi. Michel. Commencer à fuser, c'est le cas de le dire. Oui, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre, mais alors je voudrais prolonger un petit peu la réflexion, puisqu'on a dit qu'il y avait le même problème pour la Lune, qu'il fallait éviter de la polluer avec des bactéries, etc. Il y a eu toute une polémique sur la caméra qui avait été récupérée de surveilleurs par Apollo 12. Apparemment, il semble que, d'après la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était en fait une contamination après le retour et non pas sur la caméra elle-même quand elle avait été posée sur la Lune, si j'ai bien compris. Mais sur Mars, tant qu'on envoie des engins purement mécaniques, disons, on peut stériliser et faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination. À partir du moment où une seule personne aurait été sur Mars, autant sur la Lune, c'est tellement inerte qu'on pense qu'il n'y a pas vraiment de microbes humains qui ont dû s'installer de façon très durable. Sur Mars, il y a quand même une atmosphère de CO2, donc gaz carbonique, ça veut dire du carbone, de l'oxygène. Il y a un peu de chaleur, un peu de rayonnement, etc. Donc il y a quand même une situation qui est un peu plus favorable pour faire apparaître, en quelque sorte, la vie si on met une graine. Donc si quelqu'un, à un moment quelconque, va sur Mars, même, je ne parle pas de colonisation, comme on disait, il faudra se poser sérieusement la question de ce que deviendront toutes les substances qu'il aura forcément laissé échapper sur la surface, même involontairement, parce qu'on ne peut pas stériliser complètement un bonhomme, en général, je suppose. Ça serait mal vu. Et donc, le premier astronaute martien risquera sans doute pas grand-chose, à moins qu'on découvre des choses curieuses d'ici là. Par contre, celui qui viendra quelques années après, au même endroit, risquerait de trouver des formes de vie qui auraient évolué à partir de la vie humaine, mais de façon terrestre, pardon, en son absence. Et il pourrait aussi risquer d'en rapporter sur Terre au deuxième voyage-retour. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions un peu plus précises sur ce genre de sujet ? Votre question est très très complexe. Bon, l'histoire de surveilleurs s'est réglée, et la Lune s'est réglée aussi, puisque sur la Lune, on est d'accord, il n'y a pas de possibilité de développement d'une forme de vie. Il se trouve que sur Mars, parce qu'on avait trouvé une, on avait... Alors sur les caméras surveilleurs, les Américains ont ramené. Voilà, c'est ça. Alors, les Américains ont envoyé des sondes sur la Lune, et lorsque des sondes automatiques, et il y en avait une qui s'appelait Surveilleur 3. Et lorsque des astronautes sont venus, ils ont atterri à côté du Surveilleur 3. Et il y en a un qui a pris un câble et qui l'a ramené de Surveilleur 3. Un câble ou une caméra ? Un câble. Un câble, un câble qui était dans avec la caméra, enfin bon, un câble. Et il l'a rapporté sur Terre. Les gens dans un laboratoire ont disséqué ce câble. Et à un moment donné, ils ont trouvé une bactérie d'origine terrestre, bien entendu, une spore qui était présente dans le câble. Ce qu'il faut savoir, c'est que, un... La question, c'est quoi ? La question, alors, c'est... La question, alors, les gens s'en sont servis pour dire, oui, les bactéries terriennes résistent aux mauvaises conditions lunaires, donc ça veut dire qu'on peut contaminer l'ensemble de la galaxie avec une bactérie terrestre. C'est très grave. Bon, je ne sais pas si c'est grave, mais enfin, en tout cas, c'était la grande question. Or, il se trouve que, aussi bien les prélèvements que les soins qui ont été faits sur le câble n'ont jamais été stériles, et que la personne qui a fait les analyses avait une réputation, et il y a eu beaucoup de réfutations sur ses travaux, parce qu'il y avait des contaminations en permanence dans ce qu'il faisait. Donc, on considère que le problème est réglé, et ce n'est pas une preuve de quoi que Donc ce soit. C'est lui qui a pu contaminer. Il a pu contaminer. Non, bon, et puis, il n'y a rien de mystérieux dans cette affaire-là. Par contre, la protection planétaire de Mars, c'est une protection planétaire qui a pour but de protéger la science. D'abord, ce n'est pas une question morale, éthique, etc. Le but, c'est qu'on soit capable, effectivement, si on trouve des traces qui font penser à une forme de vie, qu'on puisse la distinguer d'une forme de vie terrestre. Donc ça, c'est la raison première de la protection planétaire. La deuxième chose, c'est que, justement, sur Mars, il y a des endroits où il pourrait y avoir, à un moment donné, de l'eau liquide qui apparaisse de façon extrêmement transitoire, parce qu'elle ne peut pas rester longtemps. Et dans cette eau liquide transitoire, il se pourrait qu'il y ait le début d'une multiplication d'un certain nombre de micro-organismes terrestres qu'on aurait pu y apporter. Et donc, c'est ça qu'on combat avec, justement, la protection planétaire. C'est la raison pour laquelle on a défini, alors quand je dis « on », c'est pas moi, c'est l'ensemble, c'est le COSPAR, c'est la communauté scientifique internationale, ce qu'on appelle des régions spéciales dans lesquelles on ne peut aller qu'avec un luxe de précaution encore plus important que quand on fait un rover pour aller à la surface de Mars dans les zones pas spéciales. Et donc, parce qu'on pense qu'il y a un risque infinitésimal que ça se développe, mais c'est pas si important. c'est pas, je veux dire, c'est un risque vraiment. On est à 10-7, 10-8, 10-9. Comme quand on envoie un homme, alors comme. Alors, quand on envoie un homme, il va contaminer. Alors, il y a actuellement des réflexions pour contenir cette contamination et en tout cas l'empêcher dans les zones spéciales et faire en sorte que s'il y a des détritus, puisque tout être vivant fait des détritus, s'il y a des détritus, ces détritus ne soient pas dispersés à un moment donné ou ne risquent pas d'être dispersés dans les zones spéciales. Voilà, pour simplifier le sujet. Alors, très simplement, est-ce que les projets de modules habitables qui sont faits sur la Lune pourront être utilisés ensuite sur Mars ? Et j'avais une autre question aussi, à savoir, est-ce que justement, à un moment, ça avait été évoqué d'aller décoller depuis la Lune pour pouvoir aller sur Mars ensuite, en sachant que ce n'est pas du tout les mêmes environnements, est-ce que c'est possible ? Bon, ce sont des bonnes questions. En fait, actuellement, il y a une grande réflexion sur l'avenir de l'exploration humaine. Après des années et des années de stations spatiales internationales, de navettes spatiales, en tout cas pour les États-Unis, et de Soyouz, on va dire, il y a une vraie volonté de faire autre chose, d'aller au-delà, avec comme objectif au-delà de la Lune ou voir la Lune. Alors, le grand débat non tranché actuellement, alors évidemment, c'est avant tout un débat américain, c'est eux qui ont plus de moyens, c'est est-ce qu'on fait une base permanente sur la Lune, un village lunaire, on dirait à l'Agence spatiale européenne, ou on met ça de côté et on fait directement, on essaye de faire une mission vers Mars le plus vite possible. Les deux ne sont pas tout à fait compatibles. Parce que la difficulté d'envoyer une mission vers Mars humaine ou de faire un village sur la Lune, la première difficulté, ce sont les ressources. D'avoir les sous, quoi. C'est très très cher dans tous les cas. Et on ne peut pas vraiment faire les deux. Par exemple, si la décision est prise par je ne sais qui de faire une station permanente, un village sur la Lune, ça va retarder d'autant une possible mission vers Mars. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et que beaucoup de gens le voient. Donc en fait, c'est finalement les deux sont plutôt incompatibles. On va dire si on fait trop sur la Lune, on ne pourra pas aller vers Mars. Alors, ça ne veut pas dire que si on décide de faire une mission vers Mars en priorité, il n'y aura pas un petit entraînement en passant pour faire une mission de quelques jours sur la Lune, mais pas une station permanente. C'est en gros le gros débat. Pour ce qui est de atterrir sur la Lune puis redécoller vers Mars, en fait, ça n'a aucun sens. Je vous rappelle à peu près comment ça fonctionne. La Terre, la Lune qui est à quelques jours de voyage, et puis Mars qui est beaucoup plus loin, qui passe de temps en temps, les orbites sont pas du tout... Mars tourne pas autour de la Terre, pour faire simple. Donc on peut y aller qu'en gros tous les 26 mois, tous les 2 ans. Et ça n'aurait aucun sens de partir de la Terre, se poser sur la Lune, ça prend du carburant, redécoller, ça prend du carburant, et d'aller vers Mars. Donc si on va vers Mars, l'idée c'est avant tout de construire un vaisseau spatial quand même suffisamment grand pour y passer jusqu'à 6 mois environ, aller sur Mars ou autour de Mars, puis revenir en gros 6 mois. Ce qui est vrai, par contre, encore une fois, c'est que la Lune peut servir de terrain d'entraînement. C'est peut-être ça que des fois, on utilise cette image, la Lune puis Mars, c'est pour s'entraîner un peu sur la Lune, mais il ne faut pas mettre trop de ressources, sinon on ne pourra plus aller vers Mars. On ne peut pas faire du carburant sur la Lune ? Alors, ou demande-t-on ? Je vois bien le regard malicieux de la personne qui pose la question, car il sait qu'un des avantages de Mars, c'est qu'effectivement, en utilisant l'atmosphère, on peut fabriquer du carburant à partir de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est du CO2. En amenant un peu d'hydrogène ou en utilisant de l'eau, on peut faire décomposer le CO2 et puis en faire d'une part du méthane, CH4, et de l'oxygène d'autre part. Ça fait un excellent moteur fusée. Et c'est ça qui est le plan de base de toutes les agences spatiales maintenant. La mission vers Mars aller-retour, c'est on redécolle de Mars en faisant le carburant sur place. Sur la Lune, c'est pas possible. Mais sur la Lune, c'est beaucoup moins dur dans nos côtés parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et surtout la gravité est beaucoup plus faible. Donc là, on le sait tous avec Apollo, pour redécoller de Mars, il faut une toute petite fusée, c'est pas un problème. De la Lune. Voilà. Michel Vizeau. Juste deux compléments. La première, c'est que la proposition de passer par la Lune, c'était un moment où on rêvait de faire des usines lunaires, où on allait fabriquer en fait des éléments nécessaires à la mission sur la Lune, parce que c'était plus simple de les fabriquer là-bas, entre guillemets, hein, plus simple, que de les fabriquer sur Terre et de les envoyer dans l'espace. Donc c'était cette idée-là c'est une idée qui date des années 90. Moi, je me rappelle avoir participé à des réunions où les gens étaient en train de faire des usines avec des robots, etc., etc., et où on allait fabriquer, en fait, la mission martienne, on allait la fabriquer sur la Lune, et c'était beaucoup moins cher, entre guillemets, de partir de la Lune, parce qu'il n'y a pas de gravité, que de partir de la Terre. Ça vous fait rire, je crois sentir une légère pointe d'ironie. Mais parce que c'est des illusions. D'accord. C'est des choses qui sont fondées sur des fantasmes qui sont supportés par la réalité de la physique. À un moment donné, la physique et la chimie, les lois de la thermodynamique, elles s'appliquent, quoi. Je veux dire, c'est... Bon. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est actuellement, par exemple, sur le projet de mars 2020, le projet de la NASA, il y a un instrument qui est dédié... Alors, mars 2020, il faut dire, c'est un rover américain. Alors, donc, voilà, c'est un rover... Qui devrait partir en 2020 également. C'est un véhicule américain. Mars, alors, normalement, autour de Mars, il y a 6 missions qui sont prévues en 2020. On y reviendra peut-être après. Bon, mais peut-être qu'ils y seront pas tout en même temps. Mars 2020, c'est un autre rover, donc un rover américain. Mars 2020, donc c'est un véhicule de la NASA qui est à peu près la même taille que Curiosity. Il n'a pas encore de petit nom, mais ça viendra un de ces jours. Curiosity, c'est le rover actuel de la Curiosity, NASA. Enfin, le dernier actuel qui pèse 900 kg et dont la source énergétique est un RTG, donc une sorte de pile nucléaire, pour simplifier. Donc, sur le rover de Mars 2020, les Américains ont prévu le premier instrument pour tester la fabrication d'oxygène à partir de gaz carbonique martien. Et donc, quand il va fonctionner, il va pomper tous les watts disponibles à peu près. Donc, tous les watts disponibles, ça fait 1100 watts, si je me rappelle bien la capacité du RTG, là, de la pile nucléaire. Et donc, il va tout. Enfin, bon, 1100 watts, c'est un gros aspirateur. Hein, c'est pour. C'est vrai. Il faut donner des échelles à un moment donné. c'est pas. Hein, donc, 1100 watts, c'est ce qu'on consomme un aspirateur. Donc, pour faire à peu près 1 litre d'oxygène toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, eh bien, ça va lui prendre donc 1100 watts pendant 3 jours. Donc, voilà. Donc, c'est. On est quand même dans des situations extrêmement difficiles, et même si chimiquement il y a des choses qui ne sont pas impossibles, pour l'instant, les moyens techniques que l'on est capable de mettre en œuvre sont loin de faire les 1000 tonnes nécessaires pour décoller de Mars. Quoi. J'avais une question concernant justement cette vie là qu'on cherche. C'est quoi le signe de la vie ? J'ai compris qu'on allait chercher de la matière organique. La matière organique, elle compose la vie, mais elle peut être aussi produite par des réactions chimiques, par la géologie, etc. Alors comment est-ce que je suis capable de déterminer si ce que j'ai en main, ce que j'ai sous mon microscope, si je puis dire, c'est un signe de vie ou pas ? Comment on va faire ? Alors il y a deux choses. Il y a les biosignatures et les biomarqueurs. Les biosignatures, c'est ce que j'ai appelé la clé de 12. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on n'est pas capable de décrire, mais on sait que c'est quelque chose qui est fait par la vie. On peut trouver, dans le même genre d'idées, des traces géologiques, des constructions géologiques. Alors, pour être tout à fait clair, ce que vous appelez la clé 12, dans l'occurrence, c'est une molécule qui n'a pu c'est être... C'est pas une molécule, c'est un verre, c'est quelque chose. C'est pas d'accord. une molécule, donc, un verre, on c'est va un pas, objet, une forme. On va pas tomber dessus. Une morphologie. D'accord, on est d'accord pour dire qu'on va pas tomber dessus ? On peut trouver des constructions d'accord. microbiennes qui ont une forme caractéristique et qui ne peuvent être construites que par des microbes, d'accord. dont on a 99 chances de 100 pour penser que c'est construit par des microbes. Ce sont par exemple ce que l'on appelle des stromatolites, des figures avec des petites très très striées, etc. etc. Donc il y a des objets qui chimiquement ne sont pas de la vie, mais dont la présence montre que ça ne peut être produit que par de la vie. Et la deuxième chose, ce sont les biomarqueurs. Alors ça peut être petit, ça peut être microscopique, ça peut être gros, ça peut être... Bon. Et puis, il y a les biomarqueurs qui sont des molécules chimiques que je caractérise. Je suis capable de leur donner un nom. Je suis capable de dire si c'est des mains droites ou des mains gauches pour celles qui ont une signature chirale, c'est-à-dire c'est des molécules qui ont la même formule chimique mais qui se présentent comme les mains droites et gauches, donc qui ne sont pas superposables. Et puis... je vais chercher d'autres caractéristiques encore plus compliquées sur le contenu isotopique, les atomes qui les composent, etc. Et donc là, ces molécules, je vais essayer de les... c'est ce que j'appelle les biomarqueurs que je peux mesurer. Donc voilà les deux choses que l'on va chercher. Et de toute façon, ça ne sera pas simple et puis ça sera discuté. Alors, je vais donner la parole aux scientifiques, mais si je trouve un gros stromatolite, est-ce que ça ne va pas être discuté ? J'ai l'impression que les stromatolites, même sur Terre, les plus anciens, oui. même les stromatolites sur Terre, sont discutés. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que ces constructions qui datent de 3 milliards d'années ou quelque oui, chose comme près, ça oui, qu'on trouve sur ça, Terre, on n'est pas sûr qu'elles soient effectivement, qu'elles aient effectivement je pense été que produites la... par des bactéries sur Terre. J'ai l'impression que la majorité des scientifiques pensent quand même que c'est lié à de la vie primitive. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que Michel a raison, ça va se discuter entre qui ? Eh bien, il y a une dizaine d'instruments à bord du rover d'ExoMars. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a compris. Donc, il y a une foreuse qui va prélever des échantillons, plus ou moins en profondeur. À 2 mètres de profondeur, éventuellement. Et que ces échantillons vont être analysés dans le corps même du rover. On ne ramène pas les échantillons sur Terre, bien entendu. On analyse. Et donc, il y a un instrument, notamment MoMA, qui est capable de travailler sur la chiralité des molécules. Alors, donc, savoir si, si c'est la forme gauche de la molécule ou la forme droite c'est-à-dire de la molécule. Que quand on fait en laboratoire, on synthétise ce type de molécule, on a en gros 50% de main droite, 50% de main gauche, pour faire simple. Lorsque cette même molécule est construite, a été créée par un organisme vivant, eh bien, on trouve quasiment 100% de main droite ou 100% de main gauche. Donc, en fait, on va faire une espèce d'enquête, moi je pense, à la recherche d'indices. Donc, si on trouve des stromatolites, Wisdom, il ne peut pas voir des molécules, mais il peut voir quelque chose qui fait quelques dizaines de centimètres. Il est capable de dire, là, sous le sol, il y a quelque chose qui ressemble à un stromatolite, c'est une forme un peu de chou-fleur. On pourrait dire, voilà, il y a un chou-fleur dans le sous-sol. Il y a un chou-fleur dans le sous-sol, voilà. Ça. Donc, chou-fleur dans le sous-sol, vous allez, s'il vous plaît, parce qu'on estime qu'il est à un mètre de profondeur et qu'on peut forer, donc aller récupérer un échantillon là-dedans. Et après, cet même échantillon va être analysé par les différents instruments du rover. Et je pense que la réponse ne viendra que par justement un faisceau d'indices qui viendra, on l'espère, corroborer une théorie. Enfin, l'idée, c'est de construire un modèle à partir de ce qu'on va pouvoir observer. Mais je pense que c'est tout un faisceau d'indices qui peut venir d'une, ce qu'on appelle la charge utile. Voilà. François Forget, un petit mot quand même là-dessus. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, la détection de la vie? Que ce soit sur Mars ou autour des autres planètes, autour des autres étoiles, etc., pour lequel aussi on mène l'enquête avec d'autres moyens. Dans tous les cas, une chose dont je suis sûr, c'est qu'on va mettre beaucoup de temps à acquérir des certitudes. Et comme a souvent dit un des gourous de la planétologie, qui s'appelait Carl Sagan, il disait une conclusion extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Donc, à moins, encore une fois, qu'on trouve une clé de 12, un coquillage, un fossile de homard, mais tout le reste sera quand même ambigu et nécessite. On peut s'attendre au mieux. Et ce serait déjà extraordinaire que la découverte d'ExoMars soit tellement excitante qu'on se dit « Ah, il faut envoyer une autre mission pour vérifier. » Au même endroit. Mieux vérifier. Je serais très surpris, évidemment avec plaisir, qu'on acquiert vraiment une certitude et qu'on se dise « Waouh, ça y est, on a la preuve. » Néanmoins, il faut mener l'enquête. Donc c'est le mot-clé, c'est enquête, enquête, indice, indice. D'autres interventions peut-être ? Oui. J'étais juste curieux de connaître votre avis, puisque tout à l'heure, avec la question des dipôles de la NASA qui permet d'écarter le vent solaire, vous n'aviez pas l'air tout à fait convaincu, ou heureux, je ne sais pas. Donc ma question, c'est sur la terraformation. Est-ce que vous pensez que, d'une part, c'est possible, que ça va se faire, que c'est utile ? J'ai hâte de savoir quel est votre avis. Et deuxièmement, est-ce que ça risque de nous empêcher de trouver la vie ou de prouver en tout cas qu'elle vient de Mars ? Qu'est-ce que la terraformation ? Alors la terraformation, c'est l'idée est de transformer l'environnement de Mars en idéalement déjà en rendant son atmosphère plus épaisse, ce qui fait que pour se promener à la surface avec une atmosphère plus épaisse, on n'aura pas besoin d'un scaphandre. Actuellement, il faut un scaphandre, la pression est trop faible, donc on pourra mettre une doudoune et un masque à oxygène. Première étape. Deuxième étape, on transforme cette atmosphère épaisse en quelque chose de respirable avec de l'azote et de l'oxygène. C'est quelque chose qui a été très peu étudié scientifiquement. C'est assez étonnant de voir à quel point il y a peu d'études. Néanmoins, il y a une étude de référence qui a été publiée en 91 par un ami à moi qui s'appelle Chris McKay et qui fait date et qui a montré qu'on pourrait peut-être effectivement, avec un certain nombre de méthodes, terraformer Mars, l'environnement, pour que après quelques centaines de milliers d'années, qu'elles deviennent habitables pour l'homme. Alors depuis, ce n'est pas passé grand-chose, mais si en fait, c'est passé plein de choses pour notre connaissance de Mars. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plein de missions spatiales qui nous ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait Mars, et en particulier, est-ce qu'il y avait des réservoirs de gaz susceptibles d'être libérés pour former une épaisse atmosphère et commencer la terraformation. L'hypothèse de la terraformation dans les années 90, c'était par exemple qu'il y avait des glaces de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, prêtes à être vaporisées, sublimées, pour alimenter l'atmosphère. Il suffisait de chauffer les régions polaires et pouf, on aurait une belle atmosphère. Et à ce moment-là, on démarre l'affaire. Depuis, on a appris que non. En fait, il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas dans les calottes polaires, il n'y en a presque pas dans le sous-sol. On aura envie de se... Alors, gros, ça ne marche plus du tout comme c'était imaginé en 91. Option possible, peut-être, essayer de brûler des roches riches en CO2, c'est-à-dire des carbonates. Mais on ne sait même pas s'il y a beaucoup de carbonates. On a beaucoup de mal à en trouver. C'est tout un sujet scientifique, je ne vais pas détailler. Ça ne marche pas trop, quoi. Et donc, personnellement, je pense que toutes ces idées peu étudiées ne fonctionnent pas du tout. Et donc, c'est sans espoir. Alors, c'est une grosse déception pour plein de gens. Je sais que c'est un sujet très populaire. Moi, je vois ça grâce à une méthode très scientifique. Tous les ans, sans exception, je suis contacté par au moins une, deux, voire trois élèves de première qui doivent faire un TPE, le travail, et ils me contactent toujours pour parler de la terraformation. Je leur dis, mais non, vous allez faire quelque chose de très nouveau, vous allez leur expliquer que ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de gaz disponible. Alors vous allez dire, bon, on avait qu'à amener les gaz avec des navettes, quoi, des vaisseaux spatiaux. Ouais, il faut des centaines, il faut des dizaines de millions de navettes, enfin, c'est un truc impossible. Bref, ça ne marche pas trop. Derrière ça, on voit des articles bizarres sortir. L'idée, par exemple, de protéger, de mettre un champ magnétique sur Mars pour que l'atmosphère ne s'échappe plus. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pourquoi ? Un, parce que on n'est même pas sûr que le champ magnétique... l'hypothèse derrière ça, c'est de... Excusez-moi. C'est que Mars a souffert de ne pas avoir de champ magnétique, ce qui fait que son atmosphère a pu être érodée, une atmosphère autrefois épaisse, a pu être perdue à cause de l'effet du vent solaire, des particules chargées émises par le Soleil, qui ne sont pas déviées par le champ magnétique, contrairement à la Terre. Voilà l'idée derrière ça. Elles auraient emporté l'atmosphère avec elles. Ouais, en plus, c'est plus compliqué que ça. C'est via des processus assez compliqués. D'accord. Néanmoins, c'est un truc qu'on étudie. Et l'une des conclusions de ces études, c'est qu'on n'est pas certain que le champ magnétique joue un rôle très important. Premier point. Puis deuxièmement, même si on crée un champ magnétique artificiel, OK, il n'y aurait plus d'érosion, mais ce n'est pas pour ça que l'atmosphère de Mars deviendrait plus épaisse. Peut-être que ce serait le cas après 500 millions d'années. Peut-être, 500 millions d'années, encore, c'est même pas sûr. Donc c'est tout à fait n'importe quoi. Et il faut reconnaître que la terraformation est plus... la littérature sur la terraformation est beaucoup plus riche sur Internet, sur des choses un peu pseudo-scientifiques, et quasiment inexistante dans le domaine scientifique. Parce qu'en fait, c'est pas... Après, il y a tout un problème éthique aussi. Est-ce que vous voulez vraiment terraformer Mars, le transformer ? On pourrait aussi terraformer l'Antarctique. Ce serait beaucoup, beaucoup plus facile. On ferait un super hôtel tropical en mettant un grand miroir. Vous voyez, le genre de choses. Donc, après, on rentre dans un autre débat. Mais un, ça marche pas. Et deux, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est une bonne idée de le faire ? Michel Vizeau, la terraformation. Alors ça, c'est pour vous aussi, c'est des idées un peu criminelles, hein, je crois. Ça m'énerve. Alors, ça vous énerve, ok, d'accord. Et alors, vous y croyez pas ? Parce que déjà, enfin, il y a quand même un léger problème, c'est de se dire, on va terraformer Mars. Mars qui est c'est très loin, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on terraforme pas la Terre ? On est en train de foutre en l'air la Terre. Pourquoi est-ce qu'on terraforme pas la Terre plutôt que de terraformer Mars ? Et vous m'avez même dit, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de la terraformation, on est en train de Vénus-former la Terre, n'est-ce pas ? On est, en train de faire en sorte que la Terre ressemble à Vénus avec son grosse atmosphère de CO2, avec tout le gaz carbonique qu'on rejette. Enfin bon, Vénus est une atmosphère très particulière. Enfin, oui, bien sûr. Vénus, la petite sœur de la Terre. Enfin, alors Mars, pour moi, c'est pas la petite sœur, c'est la petite cousine qui a petite mal tourné. Cousine. Qui a mal quoi ? C'est la petite cousine qui a mal tourné. Ah. Et Vénus, c'est la petite sœur qui a mal tourné. Alors là, je parle aux atmosphéristes, mais Vénus, c'est la même masse que la Terre, hein, au départ. Bon, même si c'est pas au même endroit, etc. Alors, quoi qu'il en soit, la terraformation, donc c'est cette illusion que l'on pourrait transformer Mars en forme de Terre. Je pense que les gens transforment ce qu'on peut faire dans un laboratoire, dans un verre, dans un bécher ou dans un équivalent, à ce que l'on peut faire sur une planète où, je veux dire, les ordres de grandeur ne sont absolument pas les mêmes. Les ordres de grandeur de temps... si on voulait ne serait-ce que vaporiser quelque chose et faire en sorte que ça reste dans l'atmosphère, il faudrait que l'ensemble de la surface soit déjà à des températures positives pour que ça ne se recondense pas immédiatement à côté. Enfin, je ne sais pas, il y a tout un tas de... Je parle de l'eau, liquide, par exemple. Bon, on la met sous forme de vapeur. S'il y a un endroit qui fait paroi froide à quelques centaines de kilomètres en dessous, ça va se retrouver à cet endroit-là. Donc, il faudrait être capable de tout réchauffer en même temps. Enfin, c'est des choses qui font appel à des forces physique, à des grandeurs thermiques, au nombre de gigathermiques qu'il faudrait dégager pour ne serait-ce que faire fondre les calottes polaires, ce sont des choses qui ne sont pas à la portée physique de ce que l'on est capable de faire. Alors, je sais bien que la technologie permet de tout faire, que l'on peut rêver de tout, que tout est possible. On est même allé sur la Lune, on envoie des robots sur Mars, on est allé prendre des photographies de Pluton. Donc, on sait tout faire. Mais il n'empêche qu'on n'a quand même pas violé les lois de la physique. Et je crois qu'actuellement, tout ce qui tourne autour de la terraformation de Mars, dans la présentation qui en est donnée, ça viole grave les lois de la physique. Ça viole grave, bon. Mehdi, Ça va ? Un pas pour l'homme vers la planète Mars, c'est un but utopique, trouvé là-bas sur place, un refuge pour la vie quand la fonte des glaces aura noyé la Terre et tué sa biomasse. C'est un espoir pour l'homme, c'est un nouveau village où notre humanité pourra prendre de l'âge. On pourra tous partir, juste un peu de patience, en utilisant la Lune comme station essence. Comme ça, en plus d'avoir bousillé notre planète, on fera des marées noires en mer de tranquillité. Puis on ira polluer notre nouvelle planète rouge. On pourrira tout Mars avec des clés de 12. Un pas pour l'homme vers la planète Mars, c'est un but utopique, quasi isotopique. Car il faut le redire, pour notre biosphère, le meilleur véhicule, c'est encore notre Terre. Un pas vers Mars. Je vous propose de faire... s'il y a une question de monsieur, et puis après on va aller faire un petit tour quand même du côté de notre petit livret, parce qu'il y a quelques images qu'on n'a pas commentées encore. On n'a pas abordé la question du volcanisme sur Mars. Alors j'imagine que la question c'est, y a-t-il des volcans sur Mars ? Alors comme vous le savez, j'en suis sûr, y a beaucoup de volcans à la surface de Mars, de différents âges, et certains volcans sont gigantesques. Beaucoup d'entre vous, je suis sûr, ont entendu parler de Olympus Mons, qui est une montagne qui culmine à 21 000 mètres au-dessus du niveau moyen, et qui en réalité est même plus grand que ça, parce qu'autour, il y a des grandes plaines qui sont à moins 4 000 mètres, donc il fait 25 000 mètres. Donc c'est des gros volcans. La grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ces volcans sont encore actifs ? Et c'est une bonne question. On n'a pas vu d'éruption, hein. On les aurait vus quand même. On n'a pas vu d'éruption. Ouais. On a recherché des points chauds, oui, avec notamment un instrument qui s'appelait Themis sur une sonde américaine qui s'appelait Mars Odyssey. Et on n'en a pas vu non plus. Il y a eu une vraie enquête, donc ça c'était frappant. Par contre, on constate que dans certaines régions, notamment dans cette région de Tarsis, là pas loin d'Olympus Mons, on voit des coulées de lave dont on arrive à estimer l'âge en regardant le nombre de cratères qui ont impacté. Le nombre de météorites qui ont impacté pendant dans le passé. Et on estime que certaines coulées de lave ont 2, 3, 4 millions d'années. C'est-à-dire, sachant que la planète a 4500 millions d'années, c'est tout récent. Donc on se dit, c'est pas possible. Le volcanisme vient pas juste de s'arrêter, juste au moment où on regarde. Juste au moment, à l'échelle géologique, il y a 2 millions d'années. Donc on se pose la question. Et peut-être que ce sera une réponse qui sera apportée par le 13 gaz orbiteur, parce qu'il pourra, comme je disais tout à l'heure, renifler certains gaz qui pourraient nous donner des indices. Tout simplement, sur Terre, le volcanisme libère beaucoup de soufre, SO2, H2S, selon l'oxydation du manteau, bref. Donc on pourra essayer de regarder ça. On va le voir. Si on n'en voit pas du tout, ce sera un indice que vraiment c'est calme, il y a très peu d'activités volcaniques, géochimiques. Et au contraire, si on voit quand même des choses, on aura un indice qu'il y a encore peut-être des chambres de magma et peut-être une éruption possible dans un avenir proche, dans 10 millions d'années. Bon, dans 10 millions d'années, ok. Alors, encore une petite question. Avant de venir à la question, la Vénus formation de la Terre, ça me faisait penser, toutes les sondes russes vers Vénus s'appellent Vénéra, donc ça serait la vénération de la Terre, je ne sais pas si... Enfin bon. Est-ce que, pour revenir aux histoires de volcans et de phénomènes de ce genre-là, j'ai jamais tellement entendu parler, mais je vais peut-être mal écouter, d'appareils tels que sur la Lune on avait mis des séismomètres. Est-ce qu'on a des tremblements de Mars étudiés ou d'autres types d'instruments qui ont permis de voir s'il y avait une activité ? Alors apparemment il n'y a pas la tectonique des plaques, mais il y a peut-être d'autres choses. C'est une super question. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, en 2018, va être lancée une mission américaine d'accord, donc les Américains lancent la mission, construisent l'engin, elle se pose à la surface, et toute la science va être faite par des instruments européens. Et l'instrument principal, c'est un sismomètre très complexe qui a été construit en France, à côté, qui a été conçu pas très loin et construit en province, et qui s'appelle SAIS, donc c'est un sismomètre martien, et qui va justement mener cette enquête-là. Donc pas seulement regarder simplement s'il y a des tremblements de Mars, mais ce faisant, parce qu'il y aura plein de... c'est une science très, très sophistiquée. On regarde toutes les vibrations de la planète. Et comme il y a de temps en temps, par exemple, du volcanisme, par exemple, des impacts de météorites, eh bien, ça sonde, ça fait un sondage de l'intérieur de la planète Mars. Et on va pouvoir étudier donc, l'intérieur de la planète et regarder s'il y a des tremblements de terre. D'où le nom de la mission qui s'appelle InSight. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Non, bon, InSight, voilà, c'est, on croise les doigts. Le modèle de vol doit être livré fin août de cette année. Donc, je veux dire que les gens actuellement à Toulouse, les ingénieurs toulousains, aussi bien à l'industrie qu'au CNES, sont en train de travailler. Ils sont passés à 2 fois 8 heures par jour. Et puis, je pense qu'à partir du 1er juin, ils seront en 3-8. Quoi. Donc, on est dans une situation extrêmement tendue c'est et tendu, intense. Hein. Aïe, aïe. Et y a beaucoup d'espoir parce que ça sera la première fois que l'on pourra sonder l'intérieur de Mars avec les tremblements de terre, mais surtout avec... Enfin, on a probablement plus d'événements qui seront liés à des chutes de météorites et à des résonnements. À moins qu'il y ait un petit martien qui tape au marteau, ce qui serait quand même super de façon régulière, et ce qui nous donnerait des indications intéressantes. Valérie Charletti. Je voulais juste rajouter quelque chose à propos de cette histoire de sismomètre martien. Michel, tu dois le savoir, qu'il y avait une mission qui s'appelait Netlander, avant les années 2000, qui était une mission CNES qui devait déposer à la surface de Mars, il me semble, une série de 4 petits atterrisseurs, tout petits, et qui comportait déjà à l'époque un sismomètre. Donc c'est une aventure qui avait été initiée quand même par le CNES à l'époque, une mission qui aurait pu être CNES, qui a été abandonnée pour des raisons, on va dire, essentiellement financières. Non, CIS est l'enfant de Netlander. Oui, tout à fait. Enfin, revenons. Ce genre d'instruments spatiaux, ce n'est pas des choses qui se décident un jour sur un coin de table. Donc, Netlander était le résultat d'une recherche de R&T qui était faite entre le CNES, un laboratoire, des industriels, pour fabriquer des sismomètres capables de fonctionner sur la Lune ou sur Mars. On s'est aperçu que ce n'était pas exactement les mêmes. Et donc, il fallait faire des choses un peu plus spécifiques. Il avait été proposé une mission et on s'est aperçu que cette mission, techniquement, elle était pratiquement infaisable avec les instruments qu'on avait à l'époque. Et quand on veut dire infaisable, ça veut dire que budgétairement, c'est inimaginable. Donc, évidemment, la mission, à ce moment-là, elle s'arrête parce qu'il y a un moment où il faut arrêter. Il n'empêche que sur la base de ce qui a été développé, on a continué le travail, notamment l'IPGP ici et le CNES à Toulouse. Et ils ont été capables de faire évoluer le concept pour arriver au concept CIS qui est maintenant mature. Et c'est pour voler et pour partir dans des conditions financières acceptables, aussi bien parce qu'on travaille en collaboration avec les Américains. Donc la coopération fait qu'on peut faire des choses qui sont vraiment ambitieuses. Mais il faut se rendre compte que dans le spatial, je dirais à tous les niveaux, il y a un phénomène de maturation. Et donc on parle de temps en temps de missions qui sont abandonnées. Et ces abandons, alors ce ne sont pas des véritables échecs. Ce sont simplement des marches qu'à un moment donné, on ne peut pas franchir parce que techniquement, on n'est pas prêt et que quand techniquement, on n'est pas prêt, budgétairement, on n'est incapable de le faire. Et donc, ce n'est pas simplement le budget, c'est parce qu'il y a des méchants qu'on dit oh, « Non, on ne va pas mettre tout cet argent là-dedans ». C'est simplement qu'à un moment donné, eh bien, les missions rentrent en compétition les unes avec les autres parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire et que c'est les missions les plus mûres, les plus matures qui partent en premier. J'aimerais qu'on fasse un petit tour justement de ces images qu'on n'a pas encore... Commenté, donc page 2, on voit TGO qui est en train de larguer l'atterrisseur Schiaparelli, ça c'était donc en 2016. Oui, il l'a fait. Alors, c'est pas très réaliste parce que l'antenne n'était pas déployée. C'est une image d'artiste. D'accord. En arrivant, en plus, ça a été largué 4 jours à l'avance, donc on était beaucoup plus loin de Mars. Néanmoins, vous voyez TGO, vous voyez le petit carré là qu'on voit, ça fait à peu près 2 mètres. 2 mètres de côté. Ce que vous appelez le carré, c'est le corps lui-même, en gros, le cube. On voit TGO vu de l'arrière, pour ouais. essayer de le dire. Et le cube fait 2 mètres de côté. C'est pas tout à fait un cube, donc ça fait 2 mètres de côté et 3 mètres de long à peu près. Ah, oui. C'est impressionnant à voir. Moi, j'ai l'occasion de le voir. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, juste après. Sur la photo suivante. Page 3. Là, c'est la sonde à Baïkonour. Donc, juste avant, elle a été démontée puis remontée. Là, donc, elle est en phase de montage pour être installée dans la coiffe de la fusée Proton. Donc ça, c'est au Kazakhstan. Alors, ce qu'on peut détailler, c'est donc on voit bien effectivement, les panneaux solaires sont évidemment repliés. Voilà, à nouveau, donc, vous voyez, on voit la taille des hommes sur le côté, hein, en vert et bleu. Donc, 3 mètres de haut, les panneaux solaires repliés, qui sont assez grands. Et puis, au-dessus, en doré, c'est l'atterrisseur Schiaparelli, protégé par du millard pour protéger des chaleurs de la... Et sur le côté gauche, on voit la coiffe, donc on voit un demi-cercle, c'est une demi-coiffe plus exactement. Une demi-coquille. Une demi-coquille, on appelle ça la coiffe. La coiffe, exactement. de la fusée Proton qui a été utilisée pour lancer le 13 gas orbiteur et Schiaparelli. Et vous voyez que tout le monde est en charlotte, masque, tenue stérile, bottines, etc. Et que tout ce qui a été rentré a été stérilisé, même les monts de charge, etc., etc. Tout ça, ça a été nettoyé de façon à ce que ça soit extrêmement propre. Et l'atmosphère est stérile, très peu de poussière. Ce sont des salles blanches. Alors ouais. De toute façon, on est obligé d'avoir des salles très propres, sinon on a des microbes. Page 4. Alors page 4, là on voit, page 4 et puis on va dire 5 et 6... On voit, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, sur ce satellite-là qui est actuellement autour de Mars et qui va commencer à fonctionner dans quelques mois, vous avez, on l'a évoqué, 6 spectromètres dédiés à l'étude de l'atmosphère et notamment des gaz traces, d'où le nom de la mission, mais vous avez aussi une très belle caméra, essentiellement fournie par les Suisses, qui s'appelle Cassis, et qui est il y a déjà eu des caméras autour de Mars, mais celle-là, c'est un compromis qui fait que ça va être une caméra super performante qui va cartographier Mars très très bien. Pourquoi très bien ? Vous voyez qu'elle regarde devant elle... pour faire une espèce de photo, puis elle se retourne, c'est ce petit schéma 180 degrés, elle regarde derrière elle, et en combinant les deux axes de vue, elle peut regarder en stéréo, en 3D, c'est le principe de la 3D. En plus, comme elle a différents capteurs, elle va faire des images couleurs, donc on se retrouve avec une très très bonne caméra, avec une résolution assez élevée, 5 mètres par pixel, c'est pas mal, hein, et qui va faire une image couleur, en stéréo, très précise, 3D, et on va cartographier Mars complètement, si l'émission est assez longue, certainement pas, en tout cas tous les endroits intéressants. Et puis là, vous avez des images justement qui ont été acquises. Alors c'est la page suivante, donc page 6, si je ne m'abuse, 5, pardon, page 5. 5, qui nous montre un joli cratère, même un cratère. Donc ça a été pris effectivement par Cassis ? Ouais, le 22 novembre 2016. D'accord. Par Cassis, ça a marché tout de suite pas mal. C'est en couleur, on voit, il y a des petits effets, il y a des brumes dans le cratère lui-même. Et puis... Attendez, on voit des brumes dans le cratère c'est... Je voilà, pense que oui. D'accord, oui, d'accord, super. Des brumes de quoi ? C'est du gaz carbonique ? Non, a priori, c'est des brumes de glace d'eau. De glace d'eau. Ouais. Et alors, c'est un cratère typiquement martien. A priori, si vous étiez géologue et vous voyez cette image, vous sauriez dire qu'on n'est pas sur la Lune ni sur Mercure, mais bien sur Mars, parce que vous avez ce qu'on appelle des éjecta lobés. Vous voyez, c'est autour du cratère, là, en haut à gauche. Vous voyez des espèces de lobes et c'est, qui se correspondent à ce qui a été projeté au moment de l'impact. Et le fait que ces éjecta ressemblent à une espèce de splooch dans la boue, si vous voulez. C'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est des énergies énormes. Néanmoins, cette forme-là, qui évoque un impact dans la boue, correspond en fait effectivement à un sol riche en glace et qui forme comme ça des coulées un peu liquides qui ont formé ces éjecta. Voilà. On peut en parler sans fin, hein, de Mars. Néanmoins, on va aller très vite. Tout va bien, c'est passionnant. Page 6. Page 6, c'était juste une des premières images qui me démontre que ce système stéréo que j'ai évoqué, système 3D, fonctionne bien et que grâce à quelques images acquises dans un site donné, je crois que c'est, on n'est pas loin de Valles Marineris pour ceux qui connaissent, eh bien on a pu reconstituer en 3D la topographie locale à une très haute résolution de ce relief que l'on voit là. Et donc on va pouvoir cartographier une partie de Mars comme ça, ça va être quand même très chouette. Ça a déjà été un peu fait, hein, même avec notamment la mission Mars Express. Il y a une caméra allemande qui marche pas mal, mission européenne. Mais là, on va faire à beaucoup plus haute résolution, donc on va compléter l'enquête et mener le. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant qui est un peu technique que je peux souligner. Il se trouve qu'à cette résolution-là, la plupart des images ont été faites par des missions américaines. Missions américaines qui avaient pour caractéristique de toujours voler, ce qu'on appelle une orbite héliosynchrone, c'est un peu technique, mais toujours regarder Mars à la même heure locale, à 14h ou 15h, selon la mission. Et là, on va pouvoir regarder le matin, l'après-midi, parce que l'orbite est différente et elle permet d'explorer, de regarder Mars le matin, l'après-midi, le soir. Et vous voyez, alors c'est un peu biaisé mon histoire, parce que moi je m'intéresse à l'atmosphère, mais je vous ai montré, on a vu tout à l'heure une image avec des brumes, et bien on va pouvoir regarder comment évoluent les brumes, comment évoluent les tornades de poussière au cours de la journée, comment évoluent les givres, les glaces, les tempêtes de neige, bref. Et il se trouve que sur Mars, c'est très important de regarder le matin, l'après-midi, parce que tout change. Chaque jour, le cycle diurne, jour-nuit, est extrêmement fort et c'est une enquête importante à mener. Voilà. Un des grands intérêts de cette mission, de cette caméra Cassis. Page 7. Page 6, je continue, c'est toujours chez moi. Hein. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 6 spectromètres, donc 6 instruments conçus pour observer surtout l'atmosphère à très haute résolution spectrale. Et là, vous voyez un spectre. Alors, si vous ne connaissez pas ça, ce n'est pas très grave. Mais ce que l'on voit, en gros, c'est des photons émis dans l'infrarouge thermique par le simple rayonnement thermique de la surface. Et l'on voit, vous voyez, alors c'est donc la température de brillance. Donc là, on a regardé la surface, on regarde la lumière qui nous vient de la surface. Avec une espèce de caméra thermique, ce n'est pas dans le visible, hein, c'est vraiment l'émission thermique. Et donc on va décomposer cette lumière, on va réaliser le spectre. Exactement. Et à partir de ce spectre, on est capable de déterminer quels sont les éléments chimiques qu'on est capable de, qui se trouvent à l'endroit d'où provient la lumière. Voilà, donc là on est sur ce qu'on appelle le canal TIRVIM de l'instrument russe ACS. Et on voit le truc qu'on voit le mieux là, c'est sur le côté, vous voyez, l'unité de l'abscisse, c'est les centimètres moins 1, c'est-à-dire les nombres d'ondes, on appelle ça dans le jargon. Bref, vous avez une espèce de grande bande avec un minimum qu'on voit ici, c'est marqué moins 100 sur le côté gauche. Donc on regarde la courbe d'en haut, n'est-ce pas? Ouais. Et on voit cette espèce de puits gigantesque qui descend jusqu'à moins 100, effectivement, sur la gauche. Et qui est zoomé. C'est ce qui est au milieu, c'est le zoom de cette zone-là, ce qu'on appelle la bande du CO2 à 15 microns. Je ne vais pas détailler, mais en gros, ce que l'on voit, c'est que le rayonnement thermique de la surface est absorbé puis réémis par l'atmosphère, qui est plus froid. Résultat, on a une signature de la température du gaz dans l'atmosphère. Et il se trouve qu'on peut, en traitant cette information, reconstituer, par exemple, le profil de température de l'atmosphère. C'est notamment quelque chose que l'on fait, nous, dans notre équipe, dans notre laboratoire, sans une guerre. Donc, le profil de température, ça veut dire quelle est la température aux différentes altitudes. Oui, un profil de température depuis la surface jusque vers 40 km d'altitude. Et ça, c'est comme ça qu'on a étudié la météorologie sur Mars. On va exploiter cette information, la combiner avec des modèles, reconstituer l'atmosphère, la météorologie sur Mars, apprendre plein de trucs juste avec ces quelques choses. Et ça, c'est juste un des spectromètres. Il y en a 6 comme ça qui regardent dans le proche infrarouge, je ne vais pas détailler, dans l'ultraviolet, et qui vont nous apprendre plein de choses. Grosse, grosse science à faire avec ça. Ça, on avait vu un petit 8 peu. 8 et 9, on l'avait déjà vu. Et puis là, alors, on aborde. Il y a la 10. Est-ce qu'il faut en dire un mot, là, Michel Vuzot, de notre rover? Est-ce que vous voulez commenter 6 roues, un mât, etc.? Ou peut-être Valérie Est-ce que vous voulez commenter un peu le rover? Alors, juste un petit mot de Michel Vuzot. On n'appelle pas ça un rover. Hein. Vous n'aimez pas qu'on appelle ça un rover? Non, pour moi, c'est un véhicule. Oui. Voilà, j'en ai marre de ces anglicismes permanents. Rover, c'est encore une fois, en plus de ça, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est un dérivé d'acronyme américain qui a été substantivé, transformé en verbe, puis après transformé en nom. C'est Remote Operated Vehicle. Donc, c'était l'acronyme du premier truc. ROV. Donc, après, c'est To Rove. Donc, To Rove, c'était diriger ce genre de truc. C'est devenu un rover, etc. Bon, et on roverise. On peut faire n'importe quoi. Bon, donc, pour moi, c'est un véhicule. Un peu de tenue, quand même, quoi. Voilà, quand même. Ouais, hein, ça ressemble à rien. Bon. Donc, ce véhicule, je pense que. Je pense que Valérie va assister aux mêmes réunions que moi, donc elle va pouvoir leur parler des roues, des images, de la foreuse. Alors, allez-y, on va écouter Valérie Charletti là-dessus. C'est la science, c'est elle. Alors, allez-y. Donc, effectivement, c'est le support d'une dizaine d'expériences, dont le radar. Là, vous ne le voyez pas, c'est une vue d'artiste du rover. Les fameuses antennes jaunes que je vous ai montrées tout à l'heure sont à l'arrière. Donc, on les voit, vous les voyez sur la page suivante. La page 11. On va rester page 10, là, oui, pour on va rester page 10. Alors, Michel a mentionné les roues, c'est très important les roues. Vous savez qu'on a déjà parlé plusieurs fois, il y a un rover qui s'appelle Curiosity qui est actuellement sur Mars, qui roule depuis un bon bout de temps. Et si vous regardez, il y a eu des photos des roues qui ont été faites et les roues ont été usées extrêmement parce que c'est pas facile, c'est un terrain difficile. Et donc pour ce rover d'ExoMars, les ingénieurs ont travaillé pas mal sur le système de locomotion et notamment sur les roues pour qu'elles puissent se déformer, pour essayer d'éviter, de limiter l'usure qui a été observée sur les roues de Curiosity. Vous voyez en haut du mât, il y a une caméra qui va pouvoir faire des panoramiques de la zone. C'est à partir de ces images qu'on va diriger le rover. Donc, il n'y a aucune intelligence à bord. Les données sont rapatriées à chaque fois qu'il y a un passage de l'orbiteur. Alors, au passage, TGO fait de la science, mais ici, il fait quelque chose d'essentiel pour la suite de la mission ExoMars. C'est qu'il va servir de relais de communication, de télécommunication. Et donc, de la Terre, nous envoyons nos télécommandes à TGO qui va les redescendre sur le rover, qui va exécuter les commandes qui ont envoyé de la Terre. Et bien entendu, en retour, on va recevoir nos données scientifiques, qu'on appelle les télémesures, qui vont passer par l'orbiteur pour être descendues sur Terre. Toutes les données vont permettre et vont être utilisées par les ingénieurs et les scientifiques pour prendre des décisions de planification d'opérations à faire au passage suivant. Et voilà ce que je voulais vous dire peut-être sur la photo. Donc justement, ça amène... Alors page 11, ça là amène... on est dans le désert de l'Atacama. Qu'est-ce que c'était que ce test Oui, alors étonnant. C'est un test... On part dans le Chili pour aller faire ce genre de test Ce test était très important pour nous parce que justement, on a simulé quoi? On n'a pas fait vraiment de la science, un petit peu, mais surtout, on a fait de la simulation d'opérations. C'est-à-dire que le désert d'Atacama, qui est très sec, qui ressemble plus ou moins, on va dire, à Mars, et c'était surtout... Pour nous, le rover avec trois instruments à bord, les caméras, Wisdom et puis Clopy qui est un appareil photo qui fait des zooms en fait, était donc sur un rover dans le désert d'Atacama qui simulait Mars pour nous. Pendant ce temps-là, les ingénieurs et les scientifiques étaient à Harwell, donc en Grande-Bretagne. Et donc, vous voyez une image à droite avec des écrans. Et donc, on a simulé des opérations. C'est-à-dire qu'on avait au départ une photo de la zone qui avait été prise par un drone, dont la résolution avait été dégradée pour simuler la résolution qu'on aurait sur le site d'atterrissage une fois qu'on arriverait sur Mars. Et à partir de ce moment-là, on a tout planifié, les opérations étaient planifiées uniquement à partir des données qui étaient envoyées du désert d'Atacama par nos instruments. Et donc, il y a eu un moment quand même assez folklorique, au moment où nous, on avait planifié, vu les photos panoramiques faites par les caméras, qu'il fallait que le rover fasse un 90 degrés vers la droite. Donc, on envoie notre ordre, et puis on dit, à ce moment-là, tu prends une photo du rocher... Voilà, avec Clopy, quand les données sont revenues, on s'est aperçu que le rover avait tourné mais vers la gauche, avait photographié dans le vide. Tout simplement pourquoi, un détail idiot, mais si on ne le teste pas, on ne le sait pas, c'est que pour nous, l'axe vertical était vers le haut, alors que dans le désert d'Atacama, l'axe vertical était dirigé vers le bas. Donc 90 degrés d'un côté, c'était évidemment dans l'autre sens. C'est pas parce que vous étiez en Grande-Bretagne et qu'on conduit à gauche. Non, d'accord. Pas vraiment. D'accord. Non, d'accord. Pas vraiment. Et donc, merci. On a ce qu'on a simulé, sont ces planifications d'opérations, et on s'est entraîné aussi à traiter nos données en temps limité. Alors, pour Wisdom, ça a été un défi, c'est-à-dire que les données arrivaient et on avait à peu près une heure et demie pour traiter nos données et puis décider de... j'ai pas les données là, mais imaginons, vous prenez la page suivante. La page 12. La page 12, vous voyez en haut à droite, eh bien, c'est des données de Wisdom. Donc ça a été des données qui ont été collectées sur l'Etna. Et on voit, donc, vous voyez des lignes plus ou moins parallèles à la surface. Alors, il faut que j'explique. Horizontalement, c'est la distance horizontale parcourue par l'équivalent du rover. Et verticalement, c'est la distance en profondeur qui a été restituée après traitement de nos données. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, souligné par ce trait rouge, tout au-dessus, on a des dépôts pyroclastiques, donc liés à l'explosion de l'Etna, plus ou moins horizontaux, parallèles à la surface. Alors qu'en dessous, on voit un événement donc, qui a précédé, on fait de l'archéologie, hein, plus c'est profond, plus c'est vieux, un événement qui a précédé, qui était, lui, incliné. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a eu deux événements pyroclastiques différents. Et si, par exemple, on a envie d'aller creuser, récolter un échantillon de l'événement précédent, eh bien, on va forer... au niveau, j'allais dire, de la courbe bleue, par exemple, pour aller prélever un échantillon. Donc, dans nos simulations dans le désert d'Atacama, eh bien, on avait à peu près une heure et demie pour traiter nos données et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, à quel endroit ce serait intéressant de forer. Et notre grande satisfaction... Alors, vous l'avez fait pour de vrai. On l'a fait pour de vrai. On va forer là. On va forer. Alors, il n'y avait pas de foreuse. Donc, dans le désert d'Atacama, c'est vrai qu'on était sur Mars, mais il y avait des ingénieurs qui étaient quand même là pour assurer le fonctionnement du rover et des instruments. Ils avaient des pioches et donc, effectivement, on leur a dit, dans cette zone-là, vous forez à 70 cm. À 70 cm, il y a un changement de texture, on arrive sur de la roche. Et effectivement, c'était notre grande satisfaction, c'est que ça a marché. Ils ont pioché, ils ont mesuré, ils ont vu qu'on arrivait sur du gypse à cet endroit-là. Et donc, ça a été la première simulation d'opération de de prise de décision sur des données recueillies. Et puis en dessous, là, ce que vous voyez, c'est notre première réalisation en trois dimensions. Donc, ce qu'on appelle en dessous, on est toujours page 12, hein, oui, c'est toujours le carré page 12, blanc. C'est l'espèce de zone un peu jaunâtre. Oui. En fait, ce sont des données qui ont été recueillies dans des caves glacées en Autriche. Donc en gros, il y avait de la glace et puis en dessous, il y avait un socle rocheux. Et donc en faisant ce passage, un petit peu comme est prévu dans le cadre d'ExoMars, on a été capable, en utilisant toutes les capacités de notre radar, de reconstituer en 3D la structure, donc en trois dimensions, du socle rocheux sous la glace. Alors on va passer à la page 13, mais avant ça, je voulais vous rassurer, Mehdi a prévu une chose. Ah bah la voilà, ah bah regardez, ah bah la voilà. On a tous quelque chose en nous de ce qui apparaît lit, cette volonté de traverser le vide et de poser aussitôt atterri un sismomètre pour enfin savoir si y a des volcans sur Mars, oh oui, car si on trouve comme à Atacama de beaux volcans, même si on n'a pas Bézef, on enverra Jacques-Marie Bardintzeff avec tous les bouquins d'Haroun Taziev, et on pourra dire à Giscard d'Estaing d'intégrer Mars au centre Vulcania, oh, entre le Mont Pelé et puis l'Etna. Oh merci, Schiaparelli. On passe à la page 13, Michel Vizeau, c'est pour vous ça. On va faire court, on arrive à la fin. Alors, non. Pour faire un bon projet, il faut un bon acronyme et après un bon organigramme. Et après un peu d'argent. Mais là, c'est simplement, ce projet, c'est pour montrer, c'est un peu pour répondre aussi à la question qui avait été posée au début sur la difficulté qu'il peut y avoir dans la coopération avec la Russie. Alors, pas la difficulté, la complexité qui est inhérente à ces coopérations internationales. Et ce qu'il faut voir, c'est que les choses sur l'organigramme sont relativement bien séparées entre le rouge et le bleu, donc ce qui est sous la responsabilité de l'Europe et ce qui est sous la responsabilité de la Russie. Il y a des zones qui sont un peu plus complexes, le spacecraft composite, effectivement, il y a des parties de tout. Et puis même dans des petites parties qui sont parfaitement bleues, comme le parachute système, par exemple, hein, qu'on voit très bien, ben, le parachute système, il est encadré par deux trucs rouges. Donc ça veut bien dire que ça ne va pas se faire aussi simplement que ça, et que ça ne peut pas être une fourniture, en disant, bon, ben voilà, ça fait tant de mètres, etc. Il y a forcément des échanges, des discussions, etc., qui font que ce projet est complexe, que le fait qu'il soit fait dans des pays qui ont une culture différente, une culture industrielle, une culture spatiale différente, et, mais tout à fait digne les uns et les autres, mais elles ne fonctionnent pas exactement de la même façon, font que eh bien, ça prend du temps de travailler ensemble pour être sûr, avec tous les guillemets que vous voulez, du succès, parce que le but c'est quand même d'avoir un succès, c'est pas de faire un objet qui ne fonctionnera pas. Et je crois que cet organigramme est bien caractéristique de toutes les difficultés et qui font que eh bien on n'a pas pu tirer en 2018 et qu'on tirera probablement en 2020 qu'on tirera en 2020 et dans le probablement c'est probablement en 2020 mais le but c'est pas de tirer en 2020, le but c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui mette l'Europe au bon niveau. Je veux dire, repousser une mission comme on l'a fait de 2018 à 2020, ce sont de temps en temps des décisions sages, parce que quand on a des décisions qui sont pas sages, ben de temps en temps, on fait des raccourcis et à la fin, on n'a pas les résultats escomptés. Donc voilà, cet organigramme, simplement, c'est le moyen de matérialiser, je dirais, de concrétiser toute la subtilité que ça demande aux ingénieurs de l'Europe et aux ingénieurs russes pour être capables de développer ensemble donc, ce magnifique instrument, ce magnifique appareil, ce magnifique système que sera ExoMars. Un petit mot quand même d'argent. Ah bah, regardez les applaudissements spontanés. Un petit mot d'argent quand même, Michel Vizeau. Combien ça coûte tout ça? Alors actuellement, l'ensemble de l'argent qui a été mis sur la table par les pays européens pour développer le système ExoMars en Europe, c'est 1 milliard 450 millions d'euros, incluant les opérations pour donc 4 objets, etc. Ça a commencé en 2003, ça se terminera en 2021, 2022, 2023, quelque chose comme ça. Donc c'est pas 1 milliard par an, hein, c'est 1 milliard 450 millions au total. Les Russes fournissent probablement un peu moins sans valeur numéraire, donc deux lancements de Proton, je dirais à 150 millions de lancements, on va dire 300 millions d'euros, plus la capsule de rentrée et la logistique qui va derrière, entre 300 et 400 millions d'euros, donc ils sont un peu en dessous, mais c'est aussi ce sont des valeurs significatives, hein, c'est pas des broutilles tout ça. À cela, il faut ajouter les contributions des États membres aux instruments, parce que les instruments sont payés directement par chaque État membre dont il est responsable, enfin pour la partie dont il est responsable. Et en France, je dirais que l'ensemble des contributions françaises à ExoMars vont s'élever depuis 2003 jusqu'à 2021 à peu près à une quarantaine de millions d'euros. Donc c'est à peu près tout ce qui aurait été dépensé en France, dans les laboratoires, au CNES, dans l'industrie, pour avoir donc nos deux instruments principaux et les trois instruments auxquels on participe en état de fonctionnement, qualifiés, certifiés, pour faire de la bonne science sur Mars. Alors avant de se quitter, je voulais vous donner un petit rendez-vous. C'est le mardi 20 juin. On va parler du suivi des animaux. On a rendu un hommage à la biosphère terrestre ce soir. Et ben voilà, on va continuer le mois prochain pour parler de suivi des animaux avec des moyens spatiaux, évidemment. Ce sera le mardi 20 juin. Bon, vous avez compris qu'effectivement, avec ExoMars, on va rechercher des traces de vie. C'est une grande première avec une foreuse, un radar à pénétration, un laboratoire interne. On ne va sans doute pas arriver à des certitudes absolues concernant la présence de vie passée ou de présence de vie actuelle, vivante, sur Mars avec tous ces moyens. Mais en tout cas, on aura franchi une étape majeure, une étape magnifique avec tous ces systèmes. On va faire de la belle science. Donc, merci à vous tous pour ça. Merci aussi pour l'esprit dans lequel tout ça c'est fait. Je trouve qu'effectivement, on voit votre compétence, on voit votre sérieux, mais c'était pas évident quand même, votre capacité à vous mettre à notre niveau, et puis cet enthousiasme qu'on sent au fond, finalement. Alors, je me disais que si un jour vous allez sur Mars, je sais que le voyage est long, on en a pour plus d'un an, mais si vous cherchez des passagers, je crois qu'on est un certain nombre à être prêts à partir avec vous. Merci infiniment à tous les trois, Valérie Charletti, Michel Vizeau et François Forget. Merci à vous tous. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.